Salut à vous qui jouez dans des réalités virtuelles en papier et en carton. Bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, un podcast Outsider Game Design Jeu de rôle avec un invité complètement mordu du genre, que ce soit en littérature, en cinéma ou en JDR. J'ai nommé Alexandre, Bonjour à alias tous. Magna Magister. Aussi. le cyberpunk, voilà, moi je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, comme Obélix. Et ouais, voilà, donc c'est l'un des premiers genres que j'ai fréquenté quand j'ai commencé ma longue carrière de MJ. Bon, ben voilà, j'ai commencé par Star Wars, hein, je vais pas me. J'ai commencé déjà par de la SF. Je suis tout de suite intéressé en effet au cyberpunk. Donc, ben, c'est justement à travers les jeux qu'on va vous présenter, les films, toutes les références. Je vais vous faire part un petit peu de mon expérience du cyberpunk, qui est vraiment allée voilà, très loin et qui est allée ben, jusqu'à encore aujourd'hui, me poursuit, si je puis dire, et qui reste, on va dire, l'un des genres incontournables, en tout cas, pour ce qui est de ce que j'ai envie de maîtriser et de ce que j'ai envie de faire vivre à mes groupes de joueurs. Alors, on va d'abord préciser que tu as fait déjà un article assez conséquent sur le sujet, sur le blog de Kerlaf, donc on le mettra dans les liens. Et donc, au départ, le cyberpunk, c'est pas du jeu de rôle, c'est plutôt un mouvement littéraire, quoi. Oui, tout à fait. Alors, le mouvement littéraire, le terme en lui-même, visiblement, alors j'ai cherché quand même sur pas mal de sources, savoir d'où vient le terme en lui-même cyberpunk. Donc, vraisemblablement, ce serait un terme qui viendrait d'une nouvelle de Bruce Beske de 1983, à savoir que les autres termes, comme cyberspace, est un terme qui a été inventé lui-même par William Gibson dans Neuromancien, on y reviendra. Et le terme cybernétique, lui, est un terme beaucoup plus ancien qui date des années 50, qui permettait déjà, on va dire, de définir une réalité, c'est-à-dire, ben voilà, l'humain, comment dire, et la machine commencent à communiquer entre eux par autre chose, on va dire, que par des moyens, on va dire, conventionnels, on va dire physiques et sans, j'allais dire sensuels. On va dire, ah mince, j'arrive pas à trouver, il y a le mot sens, mais j'arrive pas à trouver. Le suffixe qui va derrière. Tactile. Oui, voilà. C'est en tout Ouais. cas qu'on va dire qu'on a un questionnement en tout cas sur l'interface en fait entre l'homme et la machine. Et donc, ça date de très très loin, hein, ce terme en Ouais, fait. donc d'après toi, la définition cyberpunk, c'est déjà effectivement, entre guillemets, la connexion profonde homme-machine, voire l'hybridation homme-machine, quoi. Voilà, tout à fait. Que ce soit au niveau physique avec l'homme transformé, quoi. Ou que ce soit un petit peu au niveau, on va dire, cérébral, avec tout ce qui est connexion réalité virtuelle, où en fait, au départ, on se connecte aux réalités virtuelles, vraiment en se câblant physiquement, quoi, genre avec une prise jack qu'on se met dans le cerveau, quoi. Ah, tout à fait. Donc, ah, cyber, qui vient donc du mot cybernétique. Alors bon, alors après, on fait grec, le cybernétique en lui-même, ça vient de Kubernetes, en fait, hein, c'est lui qui guide le navire, simplement, hein, c'est le grand navigateur, si je puis dire. Et donc là, le cyber est resté avec le punk. Donc là, le mouvement, au départ, est un mouvement plutôt musical. Donc on parlera, je pense, un petit peu plus dans la C'est pas partie qu'un mouvement musical, c'est un mouvement de contestation sociale qui s'est beaucoup globale, exprimé quoi. par la musique, on va dire. Et c'est pour Mais ça je que. pense que dans le cyberpunk, c'est quand même plus la contestation sociale qu'on Voilà. va retrouver, et puis le côté nos futurs, quoi. Enfin, c'est un peu contradictoire de dire ça pour Alors, je du ne voulais pour pas le coup. simplifier en disant que ce n'était qu'un mouvement musical, mais non, c'est un Ouais. mouvement social qui s'est exprimé, on va dire, par le genre musical beaucoup quand même. Voilà Oui, qui mais ce que je voulais dire, c'est que c'est plus le côté social qu'on va retrouver dans le genre littéraire cyberpunk. Et puis sans doute une esthétique du crade, de la dégradation. Voilà. Et des problèmes, on va dire, sociaux, on va le retrouver aussi dans beaucoup, justement, bah, dans la musique, dans le mouvement littéraire lui-même, et puis dans les jeux aussi. Alors, dans le mouvement littéraire, d'après toi, c'est qui les précurseurs du cyberpunk? Ben là, de toute façon, il y a, on va dire, un maître incontesté, Philippe Dick. Il nous manque beaucoup. Donc, on peut déjà, à travers plusieurs de ses nouvelles, qui ont d'ailleurs été portées à l'écran, hein, comme donc, Dune, Of Electric Sheep, en 1968, ça nous rajeunit pas tout de même. Donc, qui a donné plus tard la nouvelle qui a inspiré en tout cas le film Blade Runner en 82. Alors on va le dire aussi en français, hein, c'est les androïdes Duel. rêvent-ils de moutons électriques, hein. Voilà, mais bon, la nouvelle est parfois renommée Blade Runner, on va dire, en référence encore à un autre auteur d'ailleurs. La nouvelle Minority Report, port minoritaire aussi en français, elle a été traduite, le titre a été traduit. Donc là, le film, lui, il date Minority Report, je ne dis pas de bêtises, pourtant je l'avais noté quelque part, 2002, voilà. Ça fait déjà quelques temps déjà, mais c'était une très bonne mise à l'écran en tout cas de l'esprit, si je puis dire, en tout cas de la nouvelle d'origine avec un excellent scénario. You can remember it for your whole self, qui s'appelait, je crois, en français, Vente en gros, 1966, qui a donné le film Total Recall en 90. Substance mort. Donc, Scanner Darkly, le nom du film d'ailleurs. Alors, la nouvelle, elle, c'est 1977. Et le film, lui, date Scanner Darkly, 2006. Voilà. Donc, à chaque fois, évidemment, un aspect différent. Blade Runner, c'est plus, littérairement parlant, l'aspect, on va dire, homme face, on va dire, à la machine. Donc là, c'est-à-dire la machine. Les robots, les réplicants, quoi. Voilà. La machine créée à l'image de l'homme. Minority Report, c'est le problème, on va dire, de lire l'avenir, si je puis dire, et de savoir qu'est-ce qu'on fait si on va dire, on sait que quelqu'un va commettre un crime et qu'on peut, comment dire, l'éviter. Voilà. Et surtout, comment dire, qu'est-ce qu'on fait, parce que ça pourrait être aussi bien un film de fantasy ou quelque chose, mais c'est qu'est-ce qu'on fait quand on peut prédire l'avenir à une échelle industrielle, en quelque sorte. Voilà. Et surtout à une échelle qui va nous rapprocher des thèmes cyberpunk. Surtout dans un contexte légal, là. C'est quand ça devient, comment dire, une règle de droit. Ça permet, on va dire, d'emprisonner des gens. You can remember it for your whole self, donc Total Recall. Donc là, c'est le problème de la manipulation de la mémoire, aussi très cher au cyberpunk. Qu'est-ce qui fait de nous, justement, humains? Est-ce que c'est notre mémoire ou est-ce que c'est autre chose? Et donc là, on le retrouvera dans d'autres œuvres majeures, comme par exemple dans Ghost in the Shell. Substance mort, là, c'est le lien, comment dire, à la réalité, à la drogue. Est vraiment très très bien vu, le film est très étrange, mais il est pourtant très très en accord avec la nouvelle d'origine. Et franchement, voilà, si c'est des films que vous ne connaissez pas, je vous les conseille parce que c'était vraiment des réussites et les nouvelles d'origine, autant sont intéressantes à lire. Voilà. Il y a une autre nouvelle de Kadic qui a il y en a encore pas mal d'autres de nouvelles de Kadic qui ont inspiré du genre cyberpunk, on les évoquera sans doute plus tard. Mm-hmm. Je pense que ce qu'on peut retenir au niveau des nouvelles de Kadic, elles sont souvent très lapidaires en fait, hein. C'est-à-dire que si on les avait adaptées telles quelles au cinéma, on aurait eu un court métrage, voire. Hein. Mais elles ont tout le mérite en fait de poser des paradigmes qui révolutionnent la SF en fait à chaque fois. Voilà. Le Kadic, il faut le considérer comme il n'est pas catalogué comme un auteur cyberpunk. C'est un auteur de SF à part entière, mais dont les problématiques, ce qu'il a avancé dans ses nouvelles, dans ses romans. Vont donner naissance, si je puis dire, à la réflexion, au genre plus tard. Donc, j'ai envie de dire, et là on va passer à William Gibson, mais que oui. En fait les romanciers du genre cyberpunk, c'est des gens qui vont reprendre ces paradigmes, ces différents paradigmes que Kadic a tendance à amener un par un, voilà. Et ils vont les agglomérer en fait pour obtenir des mondes cohérents, quoi, qui vont prendre la place de tout un roman. Avec une dimension autre, c'est l'anticipation, c'est-à-dire on n'est plus dans un futur lointain, mais un futur. Ce qui va définir d'une certaine manière le genre, en tout cas littérairement parlant. Donc, ouais. Évidemment, le maître incontesté qui le conteste aujourd'hui lui-même, c'est William Gibson. Sa première trilogie, dite Sprawl. Donc, Sprawl, ça veut dire la cône urbain, la cône urbation. Voilà. Donc, le premier du genre, c'est Neuromancien, évidemment, en 84. Alors, Neuromancien, c'est la Bible du cyberpunk pour beaucoup. Même si, bon, comme je le disais aujourd'hui, c'est surtout l'expression du genre, du mouvement à une époque. Moi, j'ai une remarque sur le roman ancien. Oui. C'est vraiment un roman, la lecture. J'ai rien compris. Enfin, compris très peu de choses. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour le saisir, il faut avoir déjà énormément de clés du genre, en fait. Je pense que ça donne aussi une impression. Quelque part, si c'est volontaire, ce style incompréhensible, je pense que ça retranscrit le fait de présenter un futur certes proche, mais qui est tellement différent en même temps de ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut pas le comprendre dans sa totalité, quoi. Il est en fait censé être incompréhensible au lecteur des années 80, quoi. C'est sûr que c'est pas celui que je conseillerais pour découvrir le genre, en premier en tout cas. Par exemple, sur les passages dans la réalité virtuelle, il y a des moments où tu sais même plus s'il est dans la RV ou dans le réel, parce que les jonctions sont imprécises dans la narration. Et en plus de ça, il me semble qu'il n'évoque jamais comment il fait pour aller dans la réalité virtuelle. C'est très, succinct, en effet. Mm-hmm. Bon, l'important, c'est que les bases sont posées. C'est l'histoire d'un hacker et tes problèmes justement face à la réalité virtuelle. Et l'histoire aussi, on va dire, d'un groupe qui essaye, d'une certaine manière, de mettre à bas une corporation lointaine, orbitale, des gens qui vivent dans une dimension, si je puis dire, complètement élitiste et lointaine, si je puis dire, des terriens qui vivent les pieds sur terre. Justement, la différence. Donc voilà, on va le retrouver dans le film Elysium, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Je pense qu'ils s'en sont bien inspirés. Et la chose, en effet, d'Elysium, qui est de 2013, même s'il n'est pas parfait, remet, comment dire, en tout cas, le genre à l'honneur, en recitant, on va dire, si je puis dire, en remettant en scène, en tout cas, ses principaux piliers, quoi. Déjà, un conflit social, une lutte de classe, d'une certaine manière. C'est une lutte de classe moderne, modernisée, avec donc ceux qui n'ont pas les moyens et qui restent sur Terre et qui doivent payer leurs médicaments très chers, qui doivent tout payer très cher, sont sujets, aux lois du marché. Et si on parle d'Elysium, il faut signaler qu'ils sont tous latinos. Hein. Donc il y a en plus c'est une lutte des classes, mais qui est aussi une lutte, une lutte des ethnies, quoi, entre guillemets, voilà. Où on voit qu'il y a certaines ethnies qui ont été ultra défavorisées, ghettoisées, quoi, et qui en fait la Terre, c'est devenu une sorte de ghetto racial avec les Caucasiens, en fait, qui sont les riches et qui sont réfugiés dans les stations orbitales où ils vivent une vie de luxe. Tout à fait. Donc là, les bases sont jetées. Après, il y aura deux séquelles avec donc le même groupe, si je puis dire, le même mercenaire, avec donc Compte Zéro en 86 et Mona Lisa s'éclate en 88, qui clôt la trilogie. Mais les deux séquelles sont moins puissantes, évidemment, que le premier, et les questions posées sont moins profondes, même si, on reste encore dans le genre. Mais un neuromancien, lui, il est là pour, on va dire, jeter les bases. Et justement, ce problème dont tu parlais, l'incapacité du lecteur, on va dire, lambda, à pouvoir rentrer dedans s'il n'a pas déjà une connaissance du genre, en fait quand même la Bible, certes, du genre, mais dire en fait aussi, une certaine manière, un obstacle à une lecture, on va dire, facile de l'ouvrage. Il y a des nouvelles également qui ont Gibson mis les choses à l'œuvre avant justement 1984 et Neuromancien. C'est-à-dire la nouvelle de Johnny Mnemonic en 1981, était à l'origine du film qui date de 1995. Donc là, le problème, si je puis dire, du transfert de données. La donnée est devenue une ressource aussi essentielle que, si je puis dire, les énergies fossiles. Ouais, ça c'est vraiment un trope du cyberpunk, en fait. La donnée un petit peu comme étant le nouvel or, quoi. Voilà. Et celui qui a la donnée a le pouvoir, tout ça. Et donc du coup, on utilise dans Johnny Mnemonic, on utilise en fait des êtres humains pour stocker de la data, avec le risque, bien sûr, d'écraser la propre mémoire de la personne, quoi. Voilà, et donc d'effacer la personnalité, justement, de l'individu. Fragment de rose en hologramme. Et juste, un petit truc là-dessus sur Johnny Mnemonic. Oui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça commence aussi à faire l'amalgame, ce qui donnera plus tard aussi le transhumanisme, entre, vraiment, on dit, entre guillemets... le cerveau et un cerveau et un ordinateur, en fait, c'est la même chose, quoi. Puisque du coup, il va y avoir vraiment une interaction entre les deux, quoi. Vers même une confusion entre ce qui est la donnée mentale, les pensées, les souvenirs, les rêves et la mémoire et compagnie, quoi. Et puis les données informatiques. Tout à fait. Après, des nouvelles beaucoup plus difficiles, si je puis dire, à rentrer dedans, parce que c'est vraiment, là, c'est l'expérience, si je puis dire, virtuelle. Du rapport justement virtuel. Donc, Fragment de rose en hologramme en 1977 gravée sur chrome en 1982. Même si elle est parue en 82, elle est dans un recueil de 86. Et le dernier que j'avais à citer pour Gibson au niveau des nouvelles, c'est New Rose Hotel, qui a été aussi adapté en film. Plus tôt. Alors, New Rose Hotel, c'est 98. Donc on peut dire que les romans cyberpunk, en tout cas, les romans précurseurs, ont été une source d'inspiration énorme pour le cinéma. Un autre, à part Gibson, deux autres que j'ai à citer, Bruce Sterling, évidemment, un grand ami de Gibson. Donc lui est connu surtout. Ouais, c'est avec lui qu'ils ont écrit La Machine à Différence, qui elle est la bible du steampunk. Donc, enfin, il peut quand même, c'est quand même sans doute le rare écrivain à pouvoir se vanter d'avoir créé deux genres à lui tout seul, quoi. Tout à fait. Donc les et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même dans le steampunk, en fait, le steampunk est pour ainsi dire, enfin, La Machine à Différence de Sterling et Gibson, c'est pour ainsi dire. Un roman de cyberpunk juste reskiné 19e siècle, hein, parce qu'on a quand même une grande préoccupation de l'informatique, hein, avec la machine à différence, c'est entre guillemets l'ancêtre de l'ordinateur. Mm-hmm. On a une critique sociale aussi qui est importante. Donc c'est quasiment, du cyberpunk à la Jules Verne, quoi. Donc avec deux œuvres majeures, comme je le disais, Schismatrix. Qui est donc les mailles du réseau en 1988. Et auteur, qui moi me tient beaucoup à cœur, puisque c'est celui que j'ai vraiment dans le genre, en tout cas, Sir John Williams, avec Cablé, voilà, qui a été adapté en plus en univers, de jeu de rôle, donc on peut noter. Et c'est beaucoup plus facile, comment dire, d'entrer dans son écriture et d'entrer dans son univers. Les piliers, je veux dire, vraiment les fondements du genre sont à l'intérieur. En fait, Walter John Williams, Cablé, c'est un neuromancien, on va dire, qui serait beaucoup plus facile, en tout cas, à lire, beaucoup plus facile, à appréhender et à rêver. Voilà. Mais je pense qu'on pourrait dire aussi que le cyberpunk se gagne un ticket vers la popularisation quand on arrive à mettre des images dessus et à le rendre accessible par l'image, quoi. Des trucs comme la réalité virtuelle, une fois qu'on voit quelqu'un avec un casque de RV ou avec du câblage neuronal, et une fois qu'on voit des transitions avec des effets de cinéma d'une réalité virtuelle vers l'autre, les choses deviennent un peu plus claires à comprendre. Et donc du coup, justement, on a déjà commencé à parler d'adaptation, on va parler là plus largement de cinéma. Voilà. Alors, franchement, le cinéma, sans le cyberpunk, je pense que il aurait mis quelques années la clé sous la porte. On peut en tout cas demander quand on va voir le nombre d'adaptations dont on va parler. Alors, évidemment, pour moi, celui qui est le pilier du genre, qui est bon, là, je parle, on va dire, de manière très, on va dire, objective, c'est évidemment Blade Runner de Ridley Scott en 82, qui est, je pense, et je le pense encore maintenant, de toute façon, le film qui a mis les canons esthétiques cyberpunk en place. Il y a plusieurs aspects dedans. Il y a t'as l'aspect conurbation, l'aspect post-racial avec les ruelles, les ruelles avec des espèces de marchés asiatiques fumants où on vend des poissons synthétiques. T'as effectivement le rapport au robot et puis le côté noir parce qu'en fait, Descartes. On dirait un personnage tiré de Chandler, quoi. Oui, voilà, c'est un noir. Et voilà, c'est là où le cyberpunk retrouve vraiment son expression, et déjà dans une ambiance art mais futuriste. Et comme ça que d'une certaine manière on pourrait le définir. Et beaucoup d'ailleurs vont citer le genre cyberpunk en jeu de rôle, en tout cas en s'inspirant justement de ces canons esthétiques. Et donc Runner, c'est dit, quoi. Tous les questionnements. Je pense qu'il est résumé dans le film, le questionnement justement sur cyberpunk à profond, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humanité, d'une certaine manière. Qui fait qu'on est humain, qui fait qu'on est humain, et comment peut-on résoudre les problèmes, si je puis dire, qui est justement arrivé plus tard au niveau de l'humanité par rapport à, on a la capacité peut-être de créer des machines à l'image des humains, mais voilà, on a une responsabilité morale à cela. Et est-ce que justement, on n'a pas, il n'y a pas des dérives morales justement à ce que l'homme peut faire ou pas, de l'humanité en plus. Et on voit que vraiment tout est résumé, en tout cas dans la substantifique moelle, en tout cas de cette de film. En plus, son caractère esthétique est celui qui a inspiré les films qui vont être successeurs pour les années à venir et encore aujourd'hui. Ensuite, on a Tron. Alors là, Tron, c'est plus, on va dire, sur l'aspect, évidemment, réalité virtuelle. Lui, il va impacter la même année. Donc, quand on pense en plus que voilà, c'est un film financé par Disney, on peut quand même se dire qu'ils avaient senti le filon. Donc voilà, il a très mal vieilli, on est bien d'accord. Hein. C'est vrai que maintenant, quand on le revoit, on se dit « Oula, ça pique les yeux un petit peu ». Mais il a posé aussi les bases, il montrait à l'époque comment on pouvait se représenter la réalité virtuelle. Mais les luttes pouvaient résider pour le contrôle de cette réalité virtuelle. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, dans Tron, effectivement, si je me rappelle bien, détrompe-moi, parce que si je me trompe, les héros, en fait, les protagonistes plongent dans un jeu vidéo où ils vont s'affronter, voilà. Quoi. Mmh. C'est ça? Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est, au départ, c'est un jeu vidéo. Et c'est vrai que l'esthétique du jeu vidéo, elle est extrêmement cheap. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, quand on veut faire du cyberpunk, et ça va amener une question qu'on aura plus tard, c'est important en fait que ça soit cheap. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est particulier du genre cyberpunk, c'est qu'on peut considérer que c'est une SF qui est datée d'une époque, datée des années 80, quoi. Voilà. Et même aujourd'hui, quand tu fais du cyberpunk des années 2017, ça peut être intéressant de décrire, par exemple, des réalités virtuelles qui sont au fil de fer, quoi, qu'on dirait produites par une informatique des années 80, quoi. Et ça, c'est vraiment lié, on va dire, vraiment à une représentation de l'époque. C'est sûr que maintenant, on le représenterait plus de cette manière. D'ailleurs, comment ça s'appelle, le film qui lui a succédé, voilà, et être réussi au niveau esthétique, ben voilà, il y avait les moyens à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on verra dans toutes les œuvres cyberpunk contemporaines, quoi. Il y a un camp à choisir entre est-ce qu'on fait du cyberpunk tel qu'on le faisait dans les années 80, donc en gardant cette esthétique années 80, parfois dans ce qu'elle a de cheap, hein, de bon, entre guillemets, de daté, quoi, ou est-ce que justement on réactualise le cyberpunk avec notre esthétique contemporaine, avec nos moyens contemporains, avec notre technologie contemporaine, quoi, en remettant. Le rétro-futurisme, si je peux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Alors après, un film qui me tient beaucoup à cœur aussi, Total Recall, en 1990, avec notre très cher Arnold Schwarzenegger. Donc là, bon, le film n'est pas parfait non plus, hein, mais il a eu le mérite, à l'époque en tout cas, de poser lui aussi un des piliers du genre, c'est-à-dire voilà, la mémoire, cette réflexion sur la mémoire. Bon là, mémoire, on va dire, à titre de divertissement. Justement, qu'est-ce que ça signifie justement d'utiliser et de modifier la mémoire à des vertus, avec une vertu de divertissement surtout lucrative, pas but lucratif. Et donc, l'esthétique du genre est respectée sur pas mal d'aspects, mais c'est pas ça qui est le plus important. Bon, il y a aussi un petit aspect SF, mais bon, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas. Donc justement, on est laissé, on va dire, à notre propre analyse, juste vraiment jusqu'à la fin. Bah, après, l'SF, faut pas oublier que dans le cyberpunk, des fois, on a de la SF très futuriste. Enfin, dans Blade Runner, il semblerait que l'humanité a quand même conquis un bon paquet de systèmes solaires. Quoi, hein. Donc, il y a des colonies. Il parle quand même de colonies dans des nébuleuses. Donc, si c'est dans une nébuleuse, faut imaginer que c'est quand même extrêmement loin dans l'espace. Quoi, hein. Donc, il me semble qu'il y a Moebius qui a intervenu sur les décors. Et au début, quand on a la pyramide, là, on a une espèce de truc quand même ultra, ultra futuriste. Quoi. Donc, on peut avoir des c'est pas des fois c'est un futur pas si proche que ça en fait, ou en tout cas en fait il y a des choses qui nous paraissent limite anachroniques, quoi. Et bah, Blade Runner pour l'instant il date de 2019, il date à 2019 dans le film, ouais. 2019 c'est pas loin de c'est dans 2 ans, voilà, voilà. Dans 2 ans on fera des robots intelligents et on conquérera des nébuleuses, voilà. Mais bon, déjà le système solaire c'est pas mal. Et donc, bah, Total Recall, en tout cas, eux, ils sont allés jusqu'à Mars, ce qui est pas, on va dire, le perdu, on va dire, voilà. Mais souvent, quand même, dans le cyberpunk, la conquête du système solaire est un des aspects, malgré tout. Alors, Minority Report, qui, je pense, moi, le film, en tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai surtout été surpris par le scénario. Parce que vraiment, jusqu'à la fin, je ne savais pas quand, comment ils allaient résoudre, si je puis dire, le nœud de l'intrigue. Alors bon, voilà, on peut dire Tom Cruise, ceci, cela, bon. Et si tu me permets, c'est aussi, pour le coup, bon, il y a Star Trek aussi, mais c'est un peu le film qui préfigure les tablettes et la révolution tactile en, oui. En informatique. Quoi. C'est vrai que c'est un des aspects visuels qu'ils ont utilisé dans le film. Voilà, la révolution kinétique, un petit, on va dire, dans le jeu bon. Vidéo, quoi, entre guillemets aussi. Quoi. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment le, c'est la réalité augmentée, quoi, déjà. Qui préfigure en 2002. Alors que pourtant, bon, on sait que ben, on l'a maintenant, hein, de nos jours, elle existe d'une certaine manière. On n'a encore pas les petits bonhommes qui se baladent dans, sur nos boîtes de céréales comme dans le film. Oui, c'est, ben, y a beaucoup d'aspects comme ça qui sont possibles à revoir même dans certains films qui sont pourtant cyberpunk, mais qui sont des films de SF, sûr. Ben, par exemple, après le cinquième élément, voilà, y a beaucoup d'aspects cyberpunk alors que pourtant, c'est un film de SF. Mais là, Minority Report, lui, c'est surtout son questionnement sur le ben, qu'est-ce qu'un criminel, quoi, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui est notre, on va dire, le choix, le problème du choix. C'est on a le choix, comment dire, de devenir meurtrier ou de ne pas être meurtrier. On le sait que certains peuvent voir l'avenir. En principe, hein, donc, je rappelle pour ceux qui, voilà, ces trois individus exceptionnels sont capables vraisemblablement de prédire l'avenir. Alors, et ça en plus, il faut lire la nouvelle pour comprendre pourquoi on croit. Il l'explique dans le film. Ouais, bon, sur ces, notions, sur ces notions, je pense qu'on a, on a assez dit. Peut-être ce qui est intéressant pour finir sur Minority Report, c'est qu'on voit que là, on le verra aussi avec IA, qui est aussi une adaptation d'une nouvelle de K. Dick. Oui. C'est qu'on voit Spielberg travailler un peu son esthétique du cyberpunk avec un truc qui est important, c'est le passage parfois brutal entre des lieux de vie extrêmement luxueux, super high-tech, super propres. Et puis des endroits, bah, du, pour le coup, très dans la veine polar, quoi, très crade, des squats, des décharges, ou des laboratoires de savants fous, avec notamment, il y a pas mal de biopunk aussi, un petit peu dans Minority Report, pour changer d'apparence, ils utilisent, je crois, une toxine botulique qui déforme complètement la gueule, enfin, c'est hyper crade et tout, il y a pas mal de, ouais. Y a pas mal de biopunk dans Minority Report, quoi. Et on va retrouver ce, dans IA, sans en dire plus sur le film, on va retrouver cette dichotomie entre le luxe, le propre, et puis le crade et la misère, quoi. Pas tout à fait. Mais bon, voilà. Donc, sur Minority Report, bon, je pense qu'on avait déjà fait, donc c'est bon. Un que je voudrais citer, qui est quand même très important, également dans la même veine, qui est récent, mais qui n'est pas très connu, c'est Ex Machina. C'est le film où on fait passer un test de Turing à une, voilà, à une androïde. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Excellent film. Franchement, je l'ai découvert vraiment par hasard. Et c'est un film vraiment exceptionnel en termes de réponse. Alors, le test de Turing, c'est quelque chose qui vient de notre réalité informatique. C'est un concept, mais je pense que ça commence à être pratiqué aujourd'hui avec le développement des IA et du deep learning, notamment. Ça, d'ailleurs, Ex Machina exploite le deep learning, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des IA, que ce soit Siri d'Apple ou divers IA expérimentales, qui singent la conscience, tout simplement, par des techniques d'apprentissage profond, quoi. Bon, voilà, on sait qu'aujourd'hui les ordinateurs en deep learning, tu leur montres un environnement, ils sont capables de dire que ça c'est un chien, ça c'est un être humain, ça c'est une voiture, ainsi de suite, quoi. Et donc le test de Turing, c'est censé être un test pour en fait, si tu interroges un écran d'ordinateur entre guillemets, pour savoir si la personne qui te parle à travers cet écran c'est un être humain qui est connecté à Internet et qui te parle, ou si c'est en fait une machine, quoi. Voilà, même qu'on va rencontrer sûrement très bientôt. J'avais vu. Voilà. Et dans Ex Machina, on pousse la chose un peu plus loin, mais on a déjà ça dans Blade Runner, ça s'appelle le test de Voidkamp, c'est juste un petit peu plus réaliste, hein, mais où en fait, la personne qu'on a en face, c'est pas un écran d'ordinateur, c'est un android qui a vraiment l'apparence d'un être humain, quoi. Dans Blade Runner, c'est un test émotionnel, parce que le test de Turing, c'est plus un test logique. Il y a plus, on va dire, c'est l'aspect logique émotionnel. Ouais, voilà, parce qu'aujourd'hui, on se dit, on n'est encore pas à se dire que nos IA sont capables d'émotions, mais on est en train de se dire qu'en termes de logique, elles commencent à se rapprocher de la logique humaine, quoi. Voilà. Ça nous amène également donc à Ghost in the Shell, qui pourtant date de 95. Donc là, tout est dit, si je puis dire, en 1h20 de film. Là, c'est le questionnement même sur la, on va dire, ce qu'être un humain. Comment est simplement. Est-ce qu'un humain, c'est juste être, on va dire, la somme, comment dire, des connaissances et des souvenirs dans notre cerveau, ou est-ce que c'est, on va dire, autre chose. Là, bon, je simplifie beaucoup, hein, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait en parler juste de Ghost in the Shell pendant au moins 2 heures, parce que, ben voilà, là, c'est pareil, c'est tous les questionnements intéressants, en tout cas du genre cyberpunk, qui sont remis, si je puis dire, au sein d'un scénario très complexe, moderne, qui était vraiment très moderne pour l'époque. Moi, je pense, quand d'ailleurs l'animé n'a pas vieilli, hein, il est très très. La suite de l'animé est excellente aussi, à Innocence. Oui, je l'ai beaucoup aimé aussi. Qui va beaucoup plus insister sur la réalité virtuelle pour le coup. Voilà. Et bon, chose à dire tout de même, la version film qui date donc de cette année, je l'ai vue il y a la semaine dernière, je n'avais pas été, j'avais pas voulu la voir au cinéma. Alors ton verdict. Et c'est pas si mauvais que ça. En tout cas, en termes d'esthétique, ils ont vraiment, on va dire, refait, ils ont remis, on va dire, l'ambiance de l'animé, on va dire, dans nos yeux. Il y a un cahier des charges visuelles en tout cas qui est rempli, quoi. Le cahier des charges visuelles est rempli, le scénario n'est pas le même. Mais le questionnement, même s'il est beaucoup plus simple, reste tout à fait, on va dire, correct. Donc voilà, c'est pas peine de trop le décrire en tout cas. Mais voilà. ceci dit, je pense que là, on a peut-être aussi un trope du cyberpunk qui est une espèce de surcharge cognitive en fait, une agrégation de tout un tas de thèmes. J'avais précisé que nos romans anciens étaient incompréhensibles. Et en fait, c'est peut-être quand même ça qui fait aussi cyberpunk. C'est le fait qu'on empile tout un tas de problématiques jusqu'à un petit peu l'indigeste, quoi. Et c'est évidemment le risque que prend la version américaine de Ghost in the Shell, c'est de faire du film américain, c'est-à-dire qui est quand même conçu pour être lisible, pour le meilleur, parce que c'est quand même bien de sortir d'un film en disant qu'on a compris l'intrigue, et pour le pire, où en fait, on va un petit peu dévoyer le genre, quoi. Alors, j'ai cité dans la liste Akira parce que je pense qu'il est incontournable. Et cyberpunk, surtout au niveau lui-même aussi de l'esthétique, on va dire des décors et des problématiques sociales qui sont, on va dire, qui émergent par rapport à tout cela. C'est-à-dire, c'est une. Des corpos sans scrupules qui expérimentent en fait sans conscience, qui capturent des enfants pour faire des expérimentations sur eux, sans aucun, finalement, en toute impunité en quelque sorte. Et, avec cette, on va dire, cette résurgence de la thématique et, si je puis dire, de la bombe nucléaire, évidemment, voilà, qui est très. Et puis on préfigure le transhumanisme, c'est-à-dire qu'avec l'émergence à cause d'expérimentations, si bien technologiques que biologiques ou chimiques, eh ben d'un nouvel humain en fait. Voilà. Sinon, donc, pour les autres, Johnny Mnemonic et Scanner Darkly, on les a cités. D'ailleurs, le film avec Keanu Reeves, comme quoi Keanu Reeves est très attaché au genre, ce qui va nous. En plus, on va y revenir. En parlant justement de Matrix en 99, alors là, bon, Matrix, pire. Déjà, on va retenir que le premier, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, Matrix, c'est. D'abord, comment dire, un film à l'esthétique, on va dire, extrêmement travaillé, léché, ça, il n'y a pas de problème. On est dans le genre cyberpunk fond, parce qu'on est vraiment dans les problématiques. Bon, on est plus quand même sur un film de SF, même si, bon, voilà, je pense qu'il date de 18 ans, donc les gens savent à peu près de quoi je parle. Je ne vais pas leur spoiler le film, je ne pense pas trop. C'est sans doute des films qu'on a cités, avec peut-être Innocence, Ghost in the Shell Innocence, c'est un des films qui exploite le plus la réalité virtuelle déjà, et quand même ce grand mérite. Et puis le rapport, le combat entre guillemets des intelligences humaines contre les intelligences artificielles. Quoi. Voilà, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on va retenir le plus du film, je pense pas, plus son esthétique surtout qui nous est restée. L'esthétique cyberpunk, clair, pour beaucoup c'est Matrix. Maintenant, beaucoup, quoi. Sachant alors là, si tu me permets, pour le coup, c'est là où on peut se dire que des fois, en fait, les thèmes cyberpunk sont assez forts pour qu'on puisse dépasser l'esthétique cyberpunk pour les traiter avec une esthétique différente. Il y a pas, t'as par exemple le film Inception de Christopher Nolan, où c'est, grosso modo, c'est quoi? C'est un commando qui va opérer dans le subconscient de personnes importantes pour y voler des secrets ou y greffer de nouvelles idées. Mais en réalité, en fait, tous les tropes du cyberpunk sont là, quoi. C'est-à-dire un commando, une lutte des corpos, le run matriciel, quoi. C'est juste qu'en fait, on reskin ça complètement, quoi. Voilà. Mais même si c'est la thématique, c'est voilà, comment manipuler le rêve, les différents niveaux du rêve. Autre film profondément cyberpunk, mais qui revoit un peu l'esthétique, c'est Avalon. Oui, aussi, bah sur, toujours sur le terme de la réalité virtuelle, mais là, par rapport, on va dire, aux jeux vidéo. Là, le but, c'est d'essayer justement d'être le meilleur joueur dans le jeu vidéo, de découvrir ce qu'il y a au-delà. Et bon, voilà, j'aime trop Avalon pour la fin du film parce qu'elle est tellement belle, elle est tellement poétique, tellement. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, il y a ce qu'on pensait être la réalité, qui est une espèce de monde. De ghetto, quoi. Enfin, tout le monde vit dans la misère, quoi. Il y a le jeu vidéo qui est une espèce de guerre éternelle, quoi. Un peu high-tech, quoi. Et puis, il y aurait dans ce jeu vidéo un fameux niveau caché qui serait uniquement accessible aux super players, à ceux qui finissent le jeu. Et toujours dans la réalité virtuelle, dans cette sorte de niveau caché, il y a évidemment, et là aussi dans l'idée qu'on change d'esthétique, il y a existence de Cronenberg, où là en fait on se connecte à la réalité virtuelle par des espèces de poulpes psychiques ultra dégueulasses, ouais, qu'on appelle les pods. C'est là. Une biotech, donc voilà, là, ça va donc, très cher. Ouais, donc du coup c'est effectivement ce qu'on appelle du biopunk, hein, c'est-à-dire que la biologie remplace la technologie, pour faire simple. Et puis on a cette notion de réalité virtuelle enchâssée les unes dans les autres jusqu'au point qu'on ne sait plus où est la réalité et on essaie de remonter vers la réalité, mais on n'y parvient pas, quoi. Voilà. Un film quand même qui est excellent, mais très, très complexe quand même, malgré tout. Mais c'est forcément complexe, puisque c'est un film sur la confusion. Si tu comprends tout ce qui se passe, il y a un moment, ça ne peut pas marcher. Il est obligé de confusionner le public, quoi. En tout cas, sur les réalités, le problème des réalités imbriquées, c'est quand même celui. Et j'insiste là-dessus parce que si on le fait en jeu de rôle aussi, l'idée de la confusion entre la réalité, il y a un moment, le MJ, c'est obligatoire qu'il soit lui-même confus, en fait. Qu'il ne donne pas toutes les clés à ses joueuses, quoi. Parce que si on veut jouer la désorientation, il faut désorienter, quoi. C'est là où justement Inception est vraiment une remarquable en termes de réalisation, parce que je trouve que les réalités imbriquées dans Inception se suivent beaucoup plus facilement, en tout cas, et sont vraiment. Parce que je pense qu'Inception, il y a effectivement cette notion de. Attention, il ne faut pas confondre le rêve et la réalité, puisque notamment il y a le fétiche qui est là pour ça, quoi. L'objet fétiche, voilà. qui fonctionne pas de la même façon dans le rêve que dans la réalité. Mais ceci dit, c'est vraiment un sujet annexe dans Inception. Donc on est effectivement sur un film beaucoup plus lisible. Je finis quand même avec Cronenberg parce qu'on a aussi Vidéodrome. Oui. Alors pour le coup, c'est du pré-cyberpunk. Déjà, ça date de 83, donc en même temps que. Tu vois, c'est avant Neuromancien. Oui. Mais t'as cette idée qu'il y a, une sorte de. Il y a le slogan « Vive la nouvelle chair », c'est-à-dire que les gens commencent à vénérer en fait une sorte de nouvelle humanité à base d'hybridation homme-chair-machine, un peu dégueulasse. T'as l'idée que, je crois que de mémoire, Vidéodrome, c'est une sorte de série télé fantôme. Et en fait, c'est une sorte de c'est des snuff movies, quoi. C'est des films de torture et de sexe violent qu'on voit. Et voilà, c'est la fascination de l'homme pour la machine avec la scène où tu as le héros qui embrasse en fait la télé, quoi. La télé qui vient bouge, qui le dévore, quoi. Qui mélange le genre cyberpunk avec l'horreur, quoi. Quand même, il y a quand même une part d'horreur. Voilà, c'est cyberpunk et horreur organique, ouais. On nous annonce un Blade Runner 2049, hein, donc il y aura un reboot de Blade Runner. C'est vu comme une suite, hein, c'est vraiment une séquelle 30 ans après, très dur. Et bon, j'en ai vu en tout cas du trailer, me dit que bon, ça va. Au niveau esthétique, pareil, ils rempliront bien le cahier des charges. Après, j'attends de voir au niveau du scénario s'ils arrivent à être aussi pertinents, on va dire, que le film d'origine. Moi, je pense que c'est pas possible, mais bon. voir. On verra en octobre prochain. Ça sort le 5 octobre, je crois, chez nous. Mm-hmm. Et je voulais citer un dernier. Alors là, c'est au départ, c'est un comics. Un comics qui est sorti chez 2000 AD, qui date des années 80. Judge Dredd. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Mais pourtant, Judge Dredd, il met en place mal, on va dire, des piliers justement du genre qu'on a cité. Alors, bon, l'adaptation filmique de 95 n'est pas bonne, hein, faut le dire. Mais par contre, de 2012 est beaucoup plus intéressante, je pense, et permet de voir, comment dire, le genre s'exprimer à travers ses luttes sociales. Des luttes de quartier, en fait. Ouais, bah on a l'ultra-violence, on a des espèces de policiers, mais complètement totalitaires, quoi. On a aussi le côté biopunk, un peu, puisqu'ils ont des flingues qui sont censés reconnaître, enfin, être voilà, ADN, adaptés ouais. à leur ADN, mais bon, sauf qu'ils vont se faire bullshiter à cause de ça, quoi. Et du coup, d'ailleurs, on pourrait presque remettre Bienvenue à Gattaca dans le genre cyberpunk aussi. Oui, on y est proche. Et donc, on a aussi des séries télé, quoi. Alors là, on va peut-être juste les name dropper parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Max Headroom, pour citation, donc voilà, date de 85. À l'époque, elle était passée sur Canal+, ça nous rajeunit au tout début de la chaîne. Ouais. C'est vraiment une série où là, c'est plutôt l'aspect média qui est mis en avant. Parce que oui, c'est aussi un des pieds du genre, si je puis dire. C'est, le média comme un pouvoir, ou comme un pouvoir court, d'ailleurs. Ouais, parce que c'est du coup il y a un peu deux sortes de médias, quoi. T'as le média complètement ceinturé par les méga corpos, quoi, qui en fait est un organe de propagande ou d'endormissement des foules, et puis contre des petits médias indépendants, voilà, qui essayent justement d'être des contre-pouvoirs, quoi. Voilà. Et donc là, c'est vraiment l'histoire, si je puis dire, d'un journaliste dont le fantôme dans la réalité virtuelle va devenir en quelque sorte l'icône de la résistance justement contre l'ordre établi et contre les corporations. Une série plus récente, Total Recall 2070. Alors, la série, c'est Total Recall 2070, mais c'est l'esthétique Blade Runner à fond. La série n'a eu qu'une seule saison. Et pourtant, c'est une série qui était vraiment intéressante, où là, on avait toute la problématique justement face à la machine et à son image est vraiment mise en avant avec toujours cette problématique Recall, donc avec la société Recall qui évidemment vend des souvenirs et manipule les souvenirs aussi bien des vivants que des machines. Et donc voilà, c'était cité parce que c'est une série qui n'est pas très connue, avec un duo de choc, hein. C'est un policier un peu à la Descartes de Blade Runner et il y a un coéquipier qui est un androïde, et ce conflit sous justement les différends que peuvent avoir justement deux personnes qui enquêtent justement sur des crimes liés aux manipulations des souvenirs et à des crimes commis par des machines. Alors, pour finir rapidement sur ces références, moi je sais que j'avais, faut pas oublier tout ce qui est manga et souvent avec les animés qui correspondent. Hein. Donc on a cité Akira et Ghost in the Shell parce qu'il faut, oui. Je pense qu'il faut aussi se référer au manga qui va creuser en fait les thèmes plus en profondeur. Et notamment dans le Puppet Master, là, l'espèce de génie entre guillemets qui trafique la matrice dans son coin est plus exploité, je me semble, dans le manga Ghost in the Shell que dans le film. Et on a et là je m'en voudrais de pas citer Gunnem de Yukito Shikishiro de mémoire. Oui. Où on va de prime abord ça semble être de la SF plus lointaine, mais en fait on a quand même tout, quoi. On a l'humanité qui vit dans la misère, dans une subie des charges sur Terre, avec des stations orbitales qui ont le pouvoir sur eux. On a l'homme transformé avec vraiment une esthétique purement cyberpunk. On a les jeux du cirque violent à la Rollerball. Alors on n'a pas cité Rollerball, pour moi ça va complètement dans le thème, hein. Et on a le biopunk avec toutes les bidouilles nanobiologiques que fait le docteur Destinova, quoi. Voilà, Gunnem, pour moi il y a tout dedans, quoi, hein. Et aussi la conquête de l'espace et compagnie, tout est dedans, quoi. Donc, ben, on va pouvoir passer maintenant au jeu de rôle. Après tout, c'est ce qui nous a amené Ouais, aujourd'hui. c'est pour ça C'est qu'on est venu. pour ça qu'on est venu. Les chercheurs diront quoi? Vous en parlez que maintenant? Ben oui, mais bon, il fallait quand même citer qui allaient être nos références majeures, Ouais. prendre ce que sont les Alors, jeux d'hier et d'aujourd'hui. sur les jeux de rôle, on va déjà évoquer bah, les piliers, quoi. Les Voilà. premiers titres hein, qui arrivent Les incontournables. avec quelques années de retard sur le genre littéraire, mais assez rapidement quand même, quoi. Bon, souvent, il y a eu un petit décalage, mais franchement, il est minime. Alors, le premier, évidemment, c'est Cyberpunk. On ne pouvait pas, on va dire, passer outre avec sa première édition en 1988. Donc là, on se plaçait dans un contexte en 2013, donc on n'était vraiment pas très très loin. Tous les aspects du genre, évidemment, sont déjà présents à l'intérieur. Donc voilà, les corpos, toujours, les luttes économiques, les luttes sociales, la cybernétique et évidemment toute la dimension matricielle avec donc, c'est le premier à avoir proposé en tout cas un système de jeu qui permet évidemment de faire du piratage informatique. Donc évidemment avec une vision très liée à l'époque, qui n'était pas mauvaise hein, d'ailleurs, même si c'était tellement, tellement, on va dire chronophage comme système, puisque bon, chaque MJ, on les a tous entendus dire, ah ben non, moi je joue pas les scènes dans la matrice, sinon les autres, ils s'embêtent pendant au moins 2 heures. Le fameux problème du jeu dans le jeu qui est le Voilà, run matriciel. c'est un Parce jeu dans le jeu. qu'on est sur un jeu à classe de mémoire. Hein. Il y a le Voilà, street tout à fait, samouraï, il y a le hacker, c'est le fixeur. Le fixeur, c'est celui qui va intermédiaire. gérer tous les contacts, ainsi de suite. Voilà. Hein. Et donc, du coup, c'est vrai que comme chacun a une spécialité, eh bien, dès qu'on rentre dans la technique, ben, ça devient un jeu dans le jeu pour chaque perso, quoi. Alors, il a connu une deuxième édition en 1991. Donc là, c'est le Cyberpunk 2020, celui que tout le monde connaît, puisque ben, voilà, tout le monde y a de près ou de loin joué quand il était jeune, nous. Il me semble que c'est celui-là où on a l'espèce d'incompréhension entre l'auteur Mike Pondsmith et son public. Tout à fait, oui. C'est Jérôme Larrey hein, souvent qu'en parle, hein, puisque Mike Pondsmith, en fait, on a un petit peu la question, c'est est-ce qu'on joue du cyber ou est-ce qu'on joue du punk? Puisqu'en fait, les gens utilisaient Cyberpunk 2020 pour jouer grosso modo Ken et Barbie avec des gros flingues câblées, quoi. Et donc Mike Pondsmith écrit un supplément qui s'appelle Écoutez-moi, bande de têtes de nœuds primitives, où grosso modo il Voilà. engueule. C'est Jérôme Larrey qui répète cet exemple tout le temps. Ouais. Je vais J'en parle, pas dire. je le regarde dans ma bibliothèque d'ailleurs, et c'est vrai que Voilà, vraiment. dans la bibliothèque, on voit un Street Sam qui éclate la tête d'un rôliste quand même sur la couverture. Donc c'est vraiment le supplément qui t'engueule, quoi. Oui. Ah ouais, il C'est un explique, ouais, vous avez psychopathe. rien compris, vous êtes censé jouer des rebelles, tout ça, et en fait, vous jouez juste des mecs qui se font complètement acheter par le système parce que vous êtes tellement obsédé par l'idée entre guillemets, de bosser pour le plus offrant pour vous acheter des gros implants qui pètent, que vous avez complètement oublié de vous rebeller au passage. Mais en même temps, c'est ce qu'essayent de faire les corpos dans le cyberpunk, quoi. C'est-à-dire que les rebelles, les marginaux, du moment qu'ils ont une certaine force, eh ben, plutôt que de les laisser se rebeller, on va en fait les utiliser comme des munitions remplaçables, en fait, en leur faisant miroiter pas mal de fric. On va leur filer des missions borderline qu'on veut pas confier à nos propres agents corpo. Et puis en échange, ouais, s'ils s'en sortent bien, ils auront du cash pour en quelque sorte s'améliorer, juste devenir de meilleurs employés. Hein, et donc du coup, il y a un moment, c'est vraiment la question qui se pose à toi en tant que joueur, en tant que joueuse, c'est est-ce que tu restes dans cette logique-là, où tu te fais complètement utiliser à la fois par les commanditaires des corpos, puis on va bien le dire par le MJ, quoi. Ou est-ce qu'il y a un moment, tu fuck le système et tu décides de choisir ta propre voie et tout, et d'arrêter de bosser pour les autres, et éventuellement L'un des essayer de faire trembler les questionnements fondations majeurs, du je pense, système, quoi. d'une campagne cyber, c'est justement, voilà, quoi. Jusqu'à quel point je suis obligé d'obéir au corps pour avoir suffisamment d'argent, et une fois que j'ai suffisamment d'argent, je peux, comment dire, en arriver enfin à critiquer le système, voire même à le combattre. Sachant que du coup, c'est un truc que sans devenir les corpos, et donc généralement, il y a un moment, ils te filent une mission suicide. Le but de la Voilà. mission, c'est juste que tu y passes parce qu'on sent que tu deviens trop dangereux et que si Ouh. tu devenais vraiment freelance, ça pourrait chier, quoi. Ou t'en sais trop sur la corpo et ainsi de suite, quoi. Ou plus simple encore, comme récompense pour avoir fait une super mission à leur service, ils te donnent des parts de leur corporation et là tu te dis, je vais passer la branche sur laquelle je suis assis. Voilà. Voilà. Une troisième édition en 2005, le Cyberpunk 2030X. Voilà, où là, justement, le monde du jeu a été complètement remanié. Les corpos ont disparu, ont été remplacés par des corpos beaucoup plus petites, et plus par ce qu'on appelle donc des alt-cultes, c'est-à-dire c'est des cultures alternatives, où donc là, en fait, une manière de voir le genre, une manière de voir le genre cyberpunk est devenue, à proprement parler, une manière de vivre. Donc, il y en a qui vont vivre dans leur parc d'attractions, on va dire, on les appelle les Death Knights d'ailleurs, donc c'est pas pour rien. Et donc, eux, c'est, on va dire, des spécialistes, des robots, des mechas, etc. Il y en a d'autres qui vont reconnaître uniquement, comment dire, la vertu, si je puis dire, du corps mécanique et qui vont donc plonger leur esprit dans des corps mécaniques complets, donc les cimétoles, etc. Donc, vraiment, une manière, on va dire, de révolutionner le cyberpunk, c'est-à-dire de non plus le voir, comment dire, par rapport à un rôle social en tant que solo, mais plutôt en tant qu'appartenance à une culture, appartenance réellement à, on va dire, un groupe fort qui a on va dire, sa vision du monde et sa vision, si je puis dire, de l'esprit cyberpunk. Et si tu me permets, là, je fais un tout petit crochet sur 2020. Il y avait un truc qui m'avait marqué et qui préfigure quasiment le transhumanisme. C'est justement, on a déjà quand même un petit peu ces mouvements culturels, notamment, je ne sais plus, genre il y a des espèces de groupes qui sont tout le temps habillés en Batman, mais il y a aussi des gens qui sont tout le temps habillés en chien. Il y a énormément de modifications corporelles, de chirurgie esthétique, voilà, notamment. Voilà, c'est déjà, on va dire. Et en fait, on arrive vers l'homme transformé, quoi, entre guillemets. Les homomorphes, je crois, ils s'appellent. C'est ceux qui vraiment finissent par vouloir ressembler à un animal ou carrément qui font des modifications esthétiques pour ressembler, on va dire, à leur acteur préféré ou à leur voilà. C'est vrai, ouais, que donc tu peux imaginer un gang où tout le monde a la tête de John Kennedy, et c'est d'ailleurs pour tout dire, ça donnait on était très proche du ridicule par moment, quoi. C'était en termes esthétiques, ça donnait des trucs, ça allait loin, hein, des gangs de clowns yakuza ou ce que tu veux, quoi. Voilà, oui, non, on avait le droit à tous les trucs les plus impensables et les plus, on va dire, ouais, étranges. Mais t'as aussi, du coup, t'as aussi une sorte de libération des mœurs totale, quoi. Il n'y a plus de contrôle moral ni quoi. L'écran de cyberpunk, c'est quand même, ils sont dans un bar à putes, des bagarres entre hommes transformés, tu vois, même la rue. Ce genre de trucs, tu sens que c'est l'univers sans foi ni loi où tu peux te faire buter parce que t'as refusé de donner une cigarette à un type, quoi. Voilà, c'est vraiment le no future. C'est le punk reprend un peu plus, si je puis dire, ses lettres de noblesse. Alors, on nous promet une édition 2077, on l'attend toujours, hein, depuis déjà pas mal d'années. Mais bon, là, on nous promet aussi un jeu vidéo, mais on voit rien venir, Masoran. À noter quand même que Cyberpunk a fait l'objet d'adaptations de deux livrets d'univers qui valent vraiment le détour. Alors, l'univers de Cablé, John Williams, justement, a fait l'objet d'un supplément, et c'est d'ailleurs l'auteur lui-même qui a écrit le supplément. Alors, le supplément, évidemment, propose un système de piratage informatique plus proche de ses romans. Bon, il est complètement obsolète, hein. C'est clair que maintenant, on ne penserait plus de cette manière. Ouais, mais à la rigueur, c'est toujours la question. Voilà. Est-ce qu'on joue du cyberpunk nostalgique ou du quelque chose de plus contemporain, quoi. Mais bon, il a le mérite d'exister, en tout cas d'être original. L'univers, on va dire, n'est pas extraordinairement décrit, mais bon, il est le mieux décrit, évidemment, dans les romans, donc c'était pas la peine non plus d'en faire une redite. Par contre, celui aussi qui est vraiment très intéressant, c'est When Gravity Fail, Gravité à la manque en français, de George Alec Effinger, qui est lui aussi un auteur que j'ai pas cité, on va dire, quand on a fait les... Mais bon, il y en avait beaucoup d'auteurs à citer. Et lui, donc, son univers, en tout cas, qui était un cyberpunk arabisant, très intéressant au niveau de la manière de voir une cité futuriste en plein milieu du désert. Voilà, avec donc toute cette culture, on va dire, arabisante qui se mélange, on va dire, au genre cyberpunk, à la matrice. C'est plutôt très intéressant. Voilà. Et donc, sinon, on a le concurrent, l'éternel concurrent. Voilà. Enfin, je pense même plutôt celui qui a gagné la bataille éditoriale, d'ailleurs. Voilà. C'est Shadowrun, quoi. Shadowrun. Des jeux cyberpunk, on va dire, j'ai commencé à jouer déjà, à être joueur à cyberpunk, mais j'ai joué à Shadowrun pas très longtemps après. Je commençais avec la deuxième édition en 93, mais le jeu, lui, date de 89. 5 Alors, et 10 pour la petite histoire, il devait sortir en même temps que Cyberpunk, mais il a pris il a pris du retard. Et tu peux nous dire ce qui s'est passé du coup En fait, en termes ils ont d'éditorial, pris qu'est-ce du qu'ils ont retard, c'est décidé? qu'ils se sont aperçus, peut-être justement prenant du retard, qu'en fait, ils avaient le même univers que Cyberpunk. Et Cyberpunk est sorti avant eux. Donc, eux, ils ont été obligés un petit peu de décaler, de remanier leur univers. Et c'est là qu'est né, si je puis dire, un mélange complètement improbable et tout le monde, comment dire, aurait vraiment pas misé un copec dessus, c'est-à-dire mélanger le cyberpunk et la fantasy. Et ben, c'est de là, en fait, qu'est né le cocktail, si je puis dire, le plus détonnant, en tout cas en matière de cyberpunk. C'est l'univers de Shadowrun, ou comment on peut prendre le meilleur, ou on va dire le plus archétypal de la fantasy, le plus archétypal du cyberpunk, et en faire quelque chose de cohérent. Alors beaucoup disaient au départ, ouais, c'est n'importe quoi, ceci, cela. Pourtant, bah, quand on connaît réellement l'univers il est profond, l'univers il est vraiment décrit à travers les suppléments d'une manière, on va dire, qu'on ne retrouvera pas dans Cyberpunk, et même dans aucun autre jeu, on va dire, du genre. C'est un univers qui va vraiment du début jusqu'à la fin, avec à chaque fois ses raisons, et surtout qui est extrêmement, on va dire, le terme, c'est, on va dire, réaliste. Il est vraisemblable. Voilà. C'était le terme que je cherchais. Il est étonnamment vraisemblable, et se basant en fait sur vraiment toute une mystique qui va expliquer pourquoi la magie, évidemment, existe dans le monde. Les races, on va dire, de fantasy classique vont réapparaître dans le monde. Eh bien, il va réussir à créer un mélange vraiment unique, où donc la magie et la technologie vont pouvoir exister d'une manière, Et on du va coup, dire. en termes de gameplay, c'est vachement intéressant parce qu'on a donc plusieurs niveaux de jeu en fait. Plusieurs niveaux de. T'as dit, il y a la technologie, il y a la magie, il y a la matrice, À chaque fois, ça devient un il y a système de l'astral jeu. aussi, hein, parce qu'on a des mondes astraux, on a des fantômes, tout ça. C'est le jeu en fait qui Et aussi puis évidemment, va. il y a le physique, quoi, donc Ah, entre guillemets donc, avec le c'est le casque. jeu qui va être décrié pour pas mal de choses. Alors, son univers déjà, parce que bon, le mélange fantasy-cyberpunk, les pièces du cyberpunk vont s'arracher les cheveux. Ah, bon, Et puis pourquoi en pas. plus, en termes de gameplay, c'est du donjon en fait. Oui, au départ, oui, il est vraiment On vu fait des comme un donjons quoi. donjon, tout à fait. Et voilà, on fait des runs dans des locaux, comment dire, de corporations. Et on essaye, on va Il y dire. a des pièges, il y a des Voilà. gardes qui protègent le truc, il y a des monstres, il y a un trésor. C'est vraiment, on reprend vraiment les codes du donjon. Bon. Qui sont complètement justifiés par les codes du cyberpunk, hein, le fait de jouer des mercenaires, des corpos. Oui. Mais non, il y a quand même, on va dire, autre chose. Déjà, il a un univers qui est évolutif, c'est-à-dire qu'au niveau des éditions, on a une progression, si je puis dire, dans les événements. Il y a des events très importants entre chaque édition. 89, on commence en 2050 pour l'édition de 89. 1993, on est en 2053. 98, on est déjà en 2060, 61. Donc, il y a eu une guerre des corpos fin des années 50. 2060-61, il y a le passage de la comète. Pareil, créer un chamboulement complet au niveau de la planète, soit médiatique, magique, etc. 2006, et donc pour la quatrième édition, bah, il y a eu le crash matriciel, pareil, qui a remis la donne, et qui a permis justement de justifier que maintenant la réalité augmentée existait bel et bien, et que le sans-fil avait sa raison d'être, alors qu'avant, pourtant, le sans-fil, on n'y a pas pensé, et en tout cas, les auteurs du jeu, à l'époque, n'y avaient pas pensé. Dans C'est ça qui est Cyberpunk. intéressant, c'est que du coup, en fait, Shadowrun prend un virage. En fait, on s'éloigne du cyberpunk nostalgique et on prend un virage plus contemporain en incorporant en fait effectivement des technologies que le cyberpunk des années 80 avait manqué d'anticiper, c'est-à-dire la réalité augmentée et le Wi-Fi, quoi. Voilà. Tout en quand même, tu vois, par exemple sur le Wi-Fi. Mais bon, remarque, c'est un petit peu comme notre monde à nous aussi. On sent qu'ils prennent des précautions parce que c'est vrai que vraiment faire tout à distance, le tout Wi-Fi, et ça, je l'ai observé en jouant à Wonderland, on arrive sur des personnages qui ne quittent jamais leur base en fait. Voilà. Tu vois, qui font tout à distance parce que puisque tu n'as pas besoin d'aller, puisque tu peux tout faire en étant connecté, ben, pourquoi te déplacer quoi? Et donc ça, en termes de gameplay, ça pose de réels problèmes. En Enfin, ça termes de peut être dynamique aussi considéré comme un autour de la table. problème. Et donc dans Shadowrun, il règle le problème puisque en fait, le Wi-Fi, on va dire, c'est bien pour des connexions de base sur des sites un peu standards, tout ça. Mais si tu veux être plus rapide, il faut que tu sois câblé. si tu veux comment si tu veux passer certaines sécurités, eh ben en fait il faut carrément s'infiltrer dans la corpo. Si tu veux pirater leur ferme de serveur, en fait il faut que ce soit juste sur le mur derrière, quoi. Voilà. Donc tu vas te câbler sur, tu vas accéder au Wi-Fi. Ouais, mais le Wi-Fi il a une portée limitée, donc t'es juste sur le mur attenant à la ferme de serveur, et du coup il y a tes copains runners qui sont là pour assurer ta sécurité physique, quoi. Ah, tout pendant à que fait. Toi tu fais Ça, le raid. en tout cas, ça explique, justifie certaines situations de jeu. Avant, on va dire, bah, généralement, le hacker, il n'était jamais, on va dire, physiquement avec les membres du groupe, que c'est dans le tas, quoi. C'est tout le temps dans sa chambre bien cachée, avec une connexion sécurisée, et on ne le voyait jamais, sauf quand on faisait le débriefing et qu'on mangeait une pizza ensemble, quoi. En termes de gameplay, un truc qui est bien rendu aussi dans Shadowrun, c'est l'espèce d'impression d'hyper vitesse avec beaucoup de personnages qui peuvent avoir 1000 actions par tour. Alors évidemment, il y a le hacker qui va, mais il y a effectivement le samouraï des rues avec les réflexes câblés, tout ça. Et en fait, ça crée vraiment une impression vertigineuse pendant les combats, quoi. Oui, et c'est un peu le. Alors bon, c'est. Mais et en même temps, ça a le défaut de ses qualités parce que souvent, il te faut une heure ou deux pour faire un combat un petit peu charnu, quoi. Ben, ça privilégie certaines classes, surtout dans certaines situations, et ça hyper spécialise aussi. Mmh. Et le défaut, c'est l'hyper spécialité des personnages. Dans Shadowrun, c'est flagrant. C'est, en fait, on a vraiment besoin d'un groupe de chacune des composantes. Et puis, on a une surenchère en complexité de jeu, quoi. Mmh. Par exemple, c'est vrai que le hacker, il y a vraiment un jeu dans le jeu pour jouer les runs matriciels. Tu le joues de façon très. Vas-y, je fais une série de jet de dés, puis au final, on sait ce que ça va donner en décrivant pas ce qu'il y a, quoi. Mais du coup, c'est un peu fat, quoi. On est vraiment dans l'abstraction pure, quoi. Ou alors on skin tout avec en décrivant bien la réalité virtuelle, parce que c'est vrai que selon la corpo que tu infiltres, la réalité virtuelle est censée avoir une apparence complètement différente. Ton runner, il peut avoir un avatar, tout ceci, cela. Mais évidemment, si tu décris tout, ça fait qu'on fait un scénar solo de une heure rien que pour jouer le run matriciel. Pendant ce temps, bah, les autres joueurs, ils peuvent jouer à la Wii, quoi. Donc, Shadowrun a eu une édition récente, la cinquième en 2013, traduite en français. Hein, donc voilà, le système a été profondément remanié depuis la quatrième édition en 2006. Est-ce que tu parles de Shadowrun Anarchy ou c'est autre chose? Oui. Non, c'est Shadowrun 5. Non, Shadowrun Anarchy, c'est la résultante, si je puis dire, de la cinquième édition. Ouais, donc là, 2013, c'est la cinquième édition, Shadowrun Anarchy. Voilà, et Shadowrun Anarchy, ça date de l'année dernière. C'est un peu une sixième édition, si on veut, Shadowrun Anarchy. Disons que c'est le même monde, c'est le monde de la cinquième édition tel qu'il a évolué dans la cinquième édition, donc c'est les années 2075. Ouais. Sauf que le système est plus léger, plus narratif. Plus léger, voilà, plus léger, plus narratif. J'ai testé, c'est clair qu'on va dire, ça diminue quand même beaucoup, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça avant d'ailleurs, mais bon, parce que c'est vrai que les systèmes imbriqués dans le système, à la fin, ça devient... un peu chaud à gérer. Alors quand on a une poursuite, c'est un système. Quand on a, on va dire, un combat astral, c'est un système. Quand on a la matrice, c'est encore un autre système. Quand on utilise la magie, voilà, c'est un système au sein du système général. Le système de combat classique. C'est pas l'unique problème. Il y a des points en fait où on a une complexité inutile, quoi, comme les arbres de compétences, tout ça. Je mettrai des liens parce que Greg Pogorzelski, il a fait pas mal d'articles où il débunk justement la complexité du système de Shadowrun, quoi. Mais ça n'en reste point quand même le jeu en tout cas cyberpunk le plus joué, et moi je le comprends parce que l'univers est vraiment haut en couleur, intéressant. Le système, c'est un jeu profond, c'est un jeu qui mérite qu'on y passe du temps. Tu passes du temps pour créer ton personnage. Moi, je me rappelle Shadowrun 4, c'était 8 heures avec un tableau Excel, quoi, pour créer mon hacker, quoi. C'est triste parce que je passe plus de temps à créer le perso qu'à y jouer. Mais je pense que tu es récompensé, en fait. C'est vraiment un jeu profond, donc il faut beaucoup d'investissement pour se faire à l'univers et au système. Il faut que tout le monde y mette du sien, pas uniquement les MJ. Il faut vraiment que chaque joueur, chaque joueuse maîtrise un petit peu les points de règle inhérents à son perso, quoi. Bah, si vous aimez le genre, en tout cas, c'est Shadowrun que je vous conseillerais par rapport, on va dire, à ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que voilà, c'est celui qui a le vent en poupe, celui qui est le plus connu. Voilà, Et puis, apparemment, avec la V4, il y avait quand même des cloisonnements, des trucs intéressants. Dans la V4, on se rend compte que la matrice, c'est pour tout le monde. Tout le monde est connecté à la matrice. Et voilà, ça aussi, tout le monde c'est la nostalgie versus le contemporain. Parce y que ce qui est pas, ce qui n'avait pas été anticipé dans les années 80, c'est qu'en fait, l'informatique et Internet, ça n'allait plus être une histoire de spécialiste, mais qu'en fait, tout le monde allait s'y mettre, en fait. a l'accès. En tout cas, voilà, pour dire Shadowrun, une valeur sûre, en tout cas du genre, qui a le mérite d'avoir subsisté et de s'être adapté aux époques. Et en tout cas, un formidable univers qui mérite qu'on s'y attarde. Un mélange vraiment unique qui peut être vu comme une trahison du genre, mais qui pourtant, en fait, est vraiment bien debout et qui a toujours, on va dire, son intérêt. Alors, il y a eu beaucoup d'autres jeux qui sont sortis. Oui, Je les te années propose de 90. nous les passer en revue, mais alors vraiment une phrase par jeu. Ouais, alors un qui me tient vraiment à cœur, Cyber Age, c'est un univers au départ prévu pour donc le système Simulacre, et qui passait dans Casus Belli à l'époque. Cyber Age, c'est sûrement le premier jeu cyberpunk que j'ai acheté. Donc, Déjà plus simple, parce que Simulacre, c'était quand même oui, censé être un système mais avec d'initiation. un système, comment dire, un système, on va dire, de combat matriciel qui était vraiment très innovant à l'époque, avec en plus toute une esthétique au niveau de la manière dont on voyait l'univers virtuel qui était vraiment très intéressante, référence à la. Franchement, il nous donnait, comment dire, au tout départ, comment dire, des listes dans les marges de références littéraires, BD, comics, vraiment, et donc au niveau aussi film, vraiment super intéressante. Voilà, c'est en fait, c'est très gros, hein, c'est même pas une centaine de pages. Il y a eu donc une première édition avec un écran en 90 et une deuxième sous la forme d'un hors-série Casus Belli en 95. Vous arrivez à trouver l'un ou l'autre, jetez-vous dessus, donc vous l'utilisez pour n'importe quel de vos jeux cyber. Et Certes, aussi, on a Cyberspace aussi. Cyberspace, ben là, c'est l'adaptation, si je puis dire, du système Rollmaster, mais cher, certains se demanderont pourquoi, au genre cyberpunk. Donc là, ben voilà, il a le mérite d'exister. Bon, moi, je ne l'ai pas testé, hein, mais je sais que voilà, je l'ai dans ma collègue, une référence aussi, parce qu'il y a eu des suppléments intéressants. Le supplément GURPS Cyberpunk, qui date de 1990, alors là, il a toute une histoire, parce que quand même, il faut savoir que c'est un supplément qui, dit-on, alors c'est selon la légende, aurait été retenu, et en fait, les auteurs seraient passés, si je puis dire, enfin, seraient fait arrêter par le FBI, et tous leurs ordinateurs auraient été saisis, parce que le système à l'intérieur qu'il proposait justement de piratage informatique est trop proche de la réalité. À savoir quand même que parfois il s'est passé des choses assez étranges et donc d'ailleurs ça figure encore sur la couverture des suppléments, hein, comme quoi le fichier, comment dire, du jeu a été, comment dire, saisi par le FBI. Ça a fait un petit peu, comment dire, comme un petit coup de pub, si je puis dire. Même s'ils ont gagné le procès, hein, bon, ça leur a quand même coûté cher. Ça n'a pas dû les aider chez Steve Jackson Games, puisque c'était eux qui faisaient paraître le système GURPS. Et en tout cas, pareil, en termes d'anthologie, comme Cyber Age, GURPS Cyberpunk est très très bon parce que ben voilà, il y a tout dedans en fait. C'est une bible avec des références bibliographiques comment dire, sur tous les autres médias, vraiment très intéressantes. Alors, plus surprenant, t'as le supplément cyberpapoté pour Torg. Ah, alors pourquoi je l'ai placé là-dedans? Ben parce que il y avait déjà cyber dans Cyberpapoté. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est vraiment un autre mélange du genre. Bon, on parlait de Shadowrun justement avec son mélange fantasy et cyberpunk. Ben là, je vais vous parler d'un autre mélange. C'est le mélange théocratie et cyberpunk. Ou comment imaginer que, on va dire, dans un jeu multi-univers comme Torg, où donc, bah, pour simplifier, la Terre est envahie par différentes réalités qui veulent s'arracher son énergie, l'énergie qui fait qu'elle est réelle, bah, il y a une de ces réalités qui choisit en plus d'attaquer la France, on se demande pourquoi. Au départ, qui est pourtant juste une théocratie de l'ère médiévale, qui est restée vraiment à un niveau technologique extrêmement bas, puisque justement les religieux sont aux commandes depuis le 15e siècle. Et là, un jour, alors que donc un des héros veut absolument, si je puis dire, mettre en péril l'invasion justement de la France et donc s'attaquer au pape en question, essaye, comment dire, de faire en sorte qu'il soit rejeté par son propre univers en lui mettant en fait des visions cyberpunk. Le seul problème, c'est qu'en l'obligeant, comment dire, à avoir ses visions, comment dire, d'une technologie très avancée et cyberpunk, eh ben, en fin de compte, ça devait, comment dire, créer un clash avec son univers, et en fin de compte, son univers l'accepte. Et donc, ça crée la cyberpopauté. C'est-à-dire une théocratie extrêmement répressive, où vraiment la manipulation, comment dire, des gens est à la, on va dire, est le mot d'ordre, si je puis dire, de leur quotidien, avec une évidemment une police répressive, enfin tout on va dire ce qui peut découler d'une théocratie, on va dire, pure et dure, et le genre cyberpunk, c'est-à-dire donc la réalité virtuelle qui devient une manière, en fait, de se révéler Dieu et de révéler, si je puis dire, tous les aspects de la religion. Donc on va dans la réalité virtuelle pour voir les anges, les démons, pour aller prier, et ça, c'est vraiment un mélange qui est vraiment super intéressant, parce que voilà, ça donne vraiment une dimension, si je puis dire, au cyberpunk qui est complètement inédite et qui a le mérite, en tout cas, d'être un des univers les plus composites, puisqu'il y en a plusieurs pour Torg. Alors, qui est vraiment la plus intéressante. Ensuite, on a Heavy Metal. Alors, Heavy Metal, qui est un jeu de croc de 1991, qui n'a pas eu le succès escompté, et pourtant, bon, voilà, c'était l'univers était vraiment très intéressant. Alors, c'est du cyberpunk assez soft, malgré tout, parce qu'il n'y a pas, comment dire, l'aspect rampant de la cybernétique. Par contre, il y a toute, on va dire, la problématique sociale, avec le mur de la faim, les occidentaux, on va dire, riches, qui sont opposés, on va dire, au tiers-monde pauvre, voilà. Et évidemment, la problématique aussi de l'humain, qui petit à petit est remplacé dans la vie quotidienne par des robots. Et donc, un jeu duel, comme Croc nous en a souvent servi, c'est-à-dire dans Inéonis Satanis Magna Veritas, on joue des anges ou des démons, ben là, on joue soit, comment dire, des égarés, donc des terroristes, qui vont tenter de révéler, comment dire, aux autres qui sont tranquillement dans leur canapé à se faire couler le cerveau par les oreilles avec les émissions qu'on leur passe toute la journée, et les robots qui, eux, tentent de préserver ce monde idyllique qui est derrière un mur et qui les protège normalement de tout. Et donc là, on retrouve les piliers du cyberpunk, et sur un jeu, comment dire, vraiment assez inédit, hein, pourtant soft, hein, on n'est pas, comment dire, dans le... Mais c'est pourtant très sale, très noir, bon, avec beaucoup d'humour, évidemment, puisque c'est un jeu de croc, hein. Donc il y a toujours la part de parodie, d'humour noir qui lui est propre. Le système de jeu n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la campagne qui est allée avec le jeu et qui permet de découvrir petit à petit tous les aspects de l'univers et donc de cette problématique, justement, de l'humain qui petit à petit est remplacé par la machine. Alors ensuite, on a Slay Industry. Il me semble qu'il y a un petit aspect space opéra dans Slay Industry. Alors là, c'est plus pour l'aspect horreur. C'est mélange cyberpunk et horreur. C'est les deux derniers jeux, d'ailleurs, que j'ai mis. C'est là où le cyberpunk peut aussi, comment dire, être mélangé avec un autre genre. Donc là, ça peut être la fantasy, ça peut être, l'aspect religieux, ou là, donc, l'aspect horreur. Donc là, SL Industries, bah, tout simplement, on joue des mercenaires au service donc d'une grande corporation et dans un monde, comment dire, d'une noirceur, d'une vraiment très dur, très très noir. Et c'est très difficile. Franchement, c'est un jeu, je l'ai lu, mais il est... Il me semble que les PJ, détrompe-moi, hein, si... mais il me semble que les PJ, en fait, ils bossent comme... en fait, c'est des tueurs à gages, hein, c'est grosso modo, s'il y a des entreprises du crime industriel. Donc c'est vrai que déjà, la proposition de base, elle est un peu lourde, quoi, hein. Voilà. Et en plus, ça s'arrange pas parce que le monde est vraiment très très noir avec donc cet aspect gore et monstrueux est très très présent, sachant qu'évidemment la corporation, d'une certaine manière, c'est l'incarnation du mal, quoi, à l'intérieur de même de l'univers. Voilà, c'est le chef aussi, de la corporation. On a aussi pas mal de jeux ultra violents. Je sais plus, il y a un peu de ça aussi dans Slay Industries. Oui. Dark Conspiracy, qui date de 91, où là, bah, c'est tout simplement un système de jeu qui était qui était commun, comment dire, à plusieurs jeux, justement, GDW, qui donc a fait Traveller, par exemple, Traveller de New Era, ou Twilight 2000, un jeu qui était sur la guerre, on va dire, où on jouait des soldats, etc., dans les années au début du 21e siècle. Et donc Dark Conspiracy, il nous parle de quoi ? Lui, Dark Conspiracy, c'est un mélange justement cyberpunk et horreur, avec une petite de science-fiction aussi, où là on est dans l'horreur vraiment plus grotesque, hein, plus, on va dire, plus dégoulinante. Un aspect intéressant du jeu, c'est qu'il y avait un setting sur la Nouvelle-Orléans qui était vraiment très intéressant. Il a fait l'objet aussi également d'une deuxième édition, je crois que c'était à la fin des années 90, début des années 2000. Voilà. Alors ça, c'était pour les vieux de la vieille, si je puis dire, ceux qui sont vraiment les piliers des années 90. Mais il y en a qui ont des jeux, comment dire, cyberpunk, qui sont allés jusqu'à nous, c'est-à-dire jusqu'à dans les années 2000, voire même qui sont beaucoup plus récents. Alors, parmi eux, je citerai Ex Machina, qui là, c'est une déclinaison, si je puis dire, du Tristat System, qui est connu, on va dire, pour faire des jeux plutôt à tendance manga. C'est eux qui ont fait Big Eyes and Small Mouth, il y en a qui connaissent. Donc là, c'est vraiment un système pour jouer, on va dire, vos mangas préférés. Alors, Ex Machina, on nous parle de quoi ? Et Ex Machina, lui, c'est tout simplement un système générique joué donc dans le cyberpunk qu'on souhaite, avec trois univers, trois déclinaisons du cyberpunk très intéressantes qui sont à l'intérieur. Alors, il y a un univers qui concerne en fait un ascenseur orbital vivant. Tout un monde en fait à découvrir. Il y a un univers qui est plus, c'est un univers qui décrit plutôt comment pourrait être le crime organisé dans n'importe quel univers cyberpunk. Et un univers où la personne, elle, est obligatoirement au départ connectée à un implant qui peut lui donner, comment dire, accès plus ou moins de connaissances et à une connaissance plus ou moins, on va dire, envahissante, énorme, parfaite. Et ces trois déclinaisons vraiment très originales, qui méritent qu'on s'y attarde, qui méritent en tout cas qu'on lise le jeu, même si on n'aime pas la mécanique. Après, dans l'ordre chronologique, c'est Tech Noir. Voilà, je vais te laisser un petit peu. Alors, Tech Noir, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il met vraiment l'accent sur le côté noir, quoi. Donc, il va remettre beaucoup de problématiques du polar dans le cœur du jeu, quoi. Voilà. Oui. Donc, il fera l'objet d'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, d'une traduction en français par le Groom. Bientôt, normalement. Comme on parle du Groom, justement, Nanochrome, qui, à partir d'une déclinaison maison simplifiée, si je puis dire, du système DD3, si je ne me trompe, il a fait une mécanique avec vraiment des choses innovantes pour faire un cyberpunk participatif. Donc là, on crée un groupe. Et on crée surtout un univers. Mais ce qui est intéressant, c'est que le setting de base qu'il propose, c'est Panopticon, où on joue une agence de journalistes. Voilà, c'est une des déclinaisons, en effet. On a un petit peu le côté reporter indépendant contre les médias des corpos, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, c'est soit on joue vraiment mercenaire, merc, soit on joue médias qui essayent de révéler, si je puis dire, les crasses des corporations à tout le monde. Et du coup, c'est un peu un jeu qui a le mérite de remettre ça un petit peu sur le devant de la scène, quoi. Parce que tu vois, par exemple, dans The Sprawl, dont je vais parler tout de suite, qui est un jeu d'Amish Cameron propulsé par l'Apocalypse, il y a ce côté média, il est représenté par un archétype, hein, qui est le reporter. Mais effectivement, il y a beaucoup de jeux cyberpunk qui passent un petit peu le côté média. Un petit peu à la trappe, ou en tout cas remisé, c'est-à-dire que les journalistes, ça va être des contacts des persos qui, eux, sont soit des mercenaires, soit des freelances, mais qui sont encore des combats particuliers à mener, quoi. Tout à fait. C'était un petit peu... je sais que moi, mon runner à Shadowrun, il avait souvent pour objectif, il luttait contre une corpo qui avait fait du mal à sa famille, tout ça, machin. Et en fait, c'est vrai qu'une de ses options, c'était d'accumuler suffisamment de secrets compromettants pour un jour les faire éclater au grand jour et couler la corpo. Donc, on avait quand même ce côté... mais c'est plus émergent, quoi. Donc, ouais, The Sprawl, l'intérêt, c'est que si vous êtes habitué à Apocalypse World, vous allez être un petit peu comme des... c'est très proche. Ah oui. Ça permet une approche plus simple qu'un Shadowrun, par exemple, quoi. Mais avec quand même pas mal d'options. C'est un jeu très axé mercenaire, très très martial, hein, c'est-à-dire que les archétypes les plus bourrins ont vraiment accès à une puissance de feu assez phénoménale. Il demande tout de même qu'on ait une bonne connaissance des références cyberpunk pour pouvoir créer son univers de manière participative, malgré tout. Enfin, moi, je pense à la lecture, Bah, en tout cas, ça m'a donné cette impression. oui, mais en fait, j'ai envie de te dire, parce qu'il ne nécessite pas tellement, en fait. Parce que la création commune, c'est juste on crée les corpos. Sachant qu'il y a quand même, il y a quand même tout un lexique pour donner des noms corpos, si on veut, quoi. Il faut créer la corpo, savoir ce qu'elle fabrique. Et après, j'ai envie de dire, le genre cyberpunk, il est implémenté dans les personnages, en fait. Oui, c'est comme bah, tous les jeux propulsés par l'apocalypse, hein, c'est Voilà. les Donc, playbooks voilà, c'est les playbooks qui sont. font l'univers, quoi. Et je trouve que sur ce point, il marche bien. Il est tout à fait, comment dire, il arrive à ses fins, je pense. Dans la même déclinaison, bah, j'en Il parlais y a quand aussi. même pas mal de conseils pour le MJ, Oui. pour lui infuser le genre cyberpunk. Du genre, il y a un move qui s'appelle chromer absolument tout. Et puis ensuite, salissez ça, quoi. Tout à fait. Bah, dans la même veine, il y a The Veil, dont je parlais déjà dans le précédent podcast qu'on a fait ensemble. Ouais, sur Là, les émotions, ouais. c'est le cyberpunk, mais un cyberpunk, comment dire, vu à travers vraiment uniquement le prisme de la réalité virtuelle, où là, concrètement, la réalité virtuelle a envahi complètement le monde. On peut parler de réalité augmentée, en fait. C'est-à-dire que la réalité est teintée par les obsessions et les émotions des personnages, quoi. Voilà. Et donc, voilà, là, c'est vraiment l'aspect émotionnel du cyberpunk qui est mis en avant. Donc, bah voilà, comme on est face à une réalité qui, de toute façon, n'est pas la réalité nue, si je puis dire, puisqu'elle est tout le temps, on va dire, envahie par justement du virtuel. Donc, on ne sait plus faire la différence entre le réel et le virtuel, justement, et c'est la problématique là. Ouais, j'imagine. Comment agissent les personnages? C'est le fond la problématique, je pense, du jeu. Comment vont réagir les personnages justement face à cette réalité qui n'en est plus une? Alors, pour aller vite fait sur ces, pour finir vite fait sur ces jeux modernes, bon, il y a un jeu inspiré, il y a un jeu, il y a un jeu de Judge Dredd, Oui. et puis tu voulais nous parler de Normazone aussi, je crois que tu Oui, bosses dessus, hein. je bosse dessus. Alors, j'ai des bons contacts avec l'auteur puisque c'est l'auteur d'Antica. Bruno Donc, Guérin, ouais. là, c'est un jeu sur la Grèce antique. On parle de Normazone. Oui, c'était pour resituer un petit peu parce que voilà, pour voir quand même qu'on est dans un genre complètement différent. Où donc là, bah, c'est un monde où le genre cyberpunk est lié, comment dire, à vraiment une idée forte, c'est la norme. Et voilà, tout le monde va vivre dans un monde où tout sera normé, il y aura une règle qui régira. Et donc, justement, suite à face à des crises multiples, crises économiques, sociales, on a créé, comment dire, donc la normazone, où donc chaque individu doit respecter des normes strictes qui leur permettent, si je puis dire, d'évoluer dans un univers, on va dire, qui est complètement uniformisé et conforme au possible. Et c'est la force, si je puis dire, justement. De définir, comment dire, un univers cyberpunk justement par rapport à un concept moderne, parce que nous, les normes, on en est victime tous les jours, hein. La norme sur la taille des bananes ou sur d'autres encore qui va nous inventer l'Union européenne, on ne sait pas, mais il y a des normes en fait qui régissent chaque chose de notre quotidien et on n'en prend pas conscience encore, je pense, assez. Mais là, justement, c'est une forme de critique justement un peu de on pourrait dériver, si je puis dire, notre société actuelle qui aime justement ces normes et en arriver, on va dire, à un monde qui se veut, on va dire, parfait, mais dans le Et sens on a, dans super. l'anticipation, tu me détrompes hein, si je suis à côté, mais Oui. on a aussi cet aspect, et je pense que ça c'est quelque chose qui se voit aussi dans Elysium, qui se voit beaucoup dans Elysium d'ailleurs, l'industrialisation et l'automatisation de la justice en fait, dans le sens où on a la possibilité technologique de faire des lois extrêmement compliquées, et du coup on le fait. Et comme ces lois sont extrêmement compliquées et en fait couvrent tout un tas d'aspects de la vie, on a aussi une application industrielle et automatisée de la loi. Je vais donner un exemple, ce que tu as aujourd'hui et qui est très problématique, c'est le Googlebot. qui est en fait un algorithme qui passe en revue tous les contenus qui sont mis sur YouTube notamment, et qui va à la fois déréférencer les sites, les contenus qui sont en fait du plagiat ou de la copie, quoi. Donc, par exemple, le dernier film d'Hollywood, si tu le mets sur ta chaîne YouTube, eh ben, un Googlebot qui va arriver, qui va le supprimer et qui éventuellement peut aussi t'intenter un procès, quoi. J'ai entendu parler, ça date d'hier, hein. C'est un programme carrément qui est utilisé maintenant par le ministère de la Justice pour rendre des décisions de justice aussi. Voilà, et donc Donc comme quoi, on pourrait imaginer avec l'automatisation, avec la vidéoprotection, tout ça, voilà. eh bien, en fait, imagine une société où, comment tu te fais, entre guillemets, tu te fais arrêter parce que tu as fredonné du Bruno Mars sous la douche alors que c'est sous copyright. Imagine une société où, en fait, comment tu te fais pas arrêter quand t'es pris, ou en fait, toujours, dès que tu commets un délit, t'es pris en flagrant délit parce que t'es ultra surveillé, quoi. Donc, tu vas allumer une fois une cigarette dans un lieu public, ça y est, Voilà. tu vas te prendre une amende. Tu vas pas juste, alors qu'aujourd'hui, tu te prends juste une amende la fois où tu te fais prendre et que Là. par quelqu'un qui a décidé de pas tolérer ça, quoi. Mais là, c'est Tandis que là, si on a des caméras, des robots qui surveillent, et ben, on a un peu ça dans Paranoia aussi, c'est que Voilà. les moindres effets et gestes sont scrutés d'un point de vue légal, et du coup, on arrive à une société totalitaire, quoi. Voilà, bah c'est totalement la problématique de Normazone, puisque justement toutes ces règles sont d'une part régies et en plus surveillées et actualisées justement par une IA. Et donc c'est tout le problème de l'intelligence artificielle qui régit petit à petit le monde Qui est omnisciente. des humains. D'ailleurs, on en a pas parlé, c'est une influence pour Nanochrome, mais il y a Person of Interest qui traite aussi pas mal de ça, quoi. Voilà, Terminator aussi, d'une certaine manière, même si bon, c'est cyberpunk, voilà, il y a des influences, mais ça reste, on va dire, de la SF. Ouais, mais là, comment l'IA englobante qui surveille tout et qui juge tout et qui agit en fait, entre guillemets, qui fait beaucoup d'ingérence sur les activités humaines, bon, on a vraiment ça dans la série Person of Interest, quoi. Oui, tout à fait. Alors les jeux qui sont, on va dire, à la limite du cyberpunk, dont je voulais quand même au moins citer le nom. Alors, d'une part, Return Chronicle, donc trois éditions, hein, la dernière date de 2015, la première de 94. Là, on a on va dire, les poncifs du cyberpunk, mais qui sont adaptés au départ pour un jeu de figurines, hein, puisqu'au départ, c'est un jeu qui est issu d'un jeu de figurines, un jeu de rôle qui est issu de figurines. Donc, on a mis, on va dire, l'échelle, on a mis le cyberpunk à une autre échelle. Donc là, les problématiques avant, c'était entre, on va dire, plutôt sur Terre, entre les zones riches, les zones pauvres, entre, on va dire, les orbitaux terriens. Là, c'est à l'échelle du système solaire. Donc, un combat, évidemment, contre un ennemi indicible, sombre, bah, ce qu'il appelle la sombre symétrie, d'ailleurs. Et donc, militariste, évidemment, hein, avec plusieurs niveaux de jeu malgré tout. Il y a des niveaux d'investigation, mais on joue surtout, tout est fait, en tout cas, on joue au niveau militaire, en tout cas. Mais c'est on va dire, un jeu qui eu, on va dire, et qui a encore, on va dire, des influences cyberpunk très très marquées. Ben voilà, le système solaire est régi par plusieurs corporations, chacune possède une planète, et se bat évidemment aussi bien économiquement que militairement pour la possession, je puis dire, des ressources du système solaire. Iron Trinity. Alors là, c'est un jeu White Wolf qui était dans la lignée, si je puis dire, de l'esprit des jeux White Wolf, des jeux du World of Darkness, même s'il n'y est pas du tout, enfin, il en est complètement séparé. Où là, donc, on joue des membres si je puis dire, d'un ordre psy. Donc, tout le monde a des capacités psioniques. On joue vraiment à l'échelle de la galaxie, où donc là, la Terre, bon, d'une part, est quand même un théâtre d'affrontement, puisque il y a eu une redistribution, si je puis dire, suite à des catastrophes, on va dire, de l'influence des pays. C'est dans l'univers de Iron Trinity, c'est très intéressant à voir d'ailleurs. La Chine qui domine, bon, ça, c'est pas très étonnant. Il y a une renaissance également aussi du continent africain, avec justement tout cet aspect culturel, social qui va être mis en avant. Vraiment très, très intéressant. Donc, avec également une lutte contre les menaces extraterrestres, etc. Donc ça, évidemment… Du coup, on peut-être retrouver ce côté post-racial qu'on a dans pas mal de… Dans Shadowrun, en particulier, oui. Ouais, Shadowrun, où il y avait les on n'en a pas parlé, mais il y a des problématiques de racisme, effectivement, et de ghetto, et d'identification qui sont importantes, quoi. D'un côté, des luttes raciales, puis de l'autre, des fascinations, où t'as par exemple les humains qui se font modifier pour ressembler à des orques, quoi, des elfes. Voilà, tout à fait. Des poseurs, comme on dit. Et pour finir, on a le gros pavé, c'est Eclipse Phase. Voilà, Eclipse Phase qui est, en fait, c'est que. Préfèrent les auteurs de Shadowrun s'ils faisaient plus Shadowrun, mais qu'à la place ils faisaient un jeu de SF transhumaniste. Donc voilà. Ouais, ça était beaucoup plus loin dans la timeline de Shadowrun, quoi. Voilà, on imagine évidemment, même si c'est pas du tout Shadowrun, mais on sent quand même les inspirations. Et on sait, de toute façon, voilà, c'est bien les auteurs de Shadowrun qui n'ont pas rempilé pour l'édition suivante et qui ont préféré faire Eclipse Phase de leur côté. Donc, édition en 2009. Donc là, la Terre. Complètement rayé de la carte, si je puis dire. Toute l'humanité est obligée, suite, si je puis dire, d'une guerre contre une intelligence artificielle, purement et simplement, de quitter la Terre, mais non pas corps et bien, mais plutôt esprit et rien d'autre. C'est-à-dire, tous leurs esprits sont numérisés, mis dans une jolie boîte mémoire. Aujourd'hui, ils survivent d'une certaine manière, soit en étant dans un réseau de réalité virtuelle, en étant plus ou moins ou en utilisant des corps d'emprunt qui sont fabriqués, quoi. Voilà. Mais surtout, l'intéressant, c'est qu'au départ, en fait, on peut jouer tout simplement un esprit, comment dire, dans un réseau informatique qui, s'il a la chance, va peut-être se voir attribuer un corps, faire une mission. Donc, c'est ça qui est le plus déroutant, c'est que là, on atteint vraiment le summum, si je puis dire, du transhumanisme, c'est l'esprit dans la machine. Tu vois, on va dire. Ouais, d'ailleurs, t'avais une difficulté à mettre ça en place auprès de tes joueurs parce que justement, ouais. ça les bridait l'idée de ah bah oui, mais si je suis un esprit dans une machine, que je change de corps à chaque scénar, voire même plusieurs fois par scénar, j'ai pas l'impression d'avoir un personnage. Et on avait réfléchi. La solution que j'avais proposée, je sais pas si ça vaut le coup, mais c'était de dire le mieux c'est de se faire vraiment un avatar virtuel et de jouer en fait la vie quotidienne des persos dans le circuit, dans le réseau, quoi, avec parce que du coup on suppose qu'ils évoluent dans une réalité virtuelle qui va ressembler à un monde précis, quoi, et de temps en temps il y a des runs dans l'extérieur qui est en fait les différentes planètes colonisées, et évidemment pour aller dans l'extérieur tu peux pas y aller comme ça, tu es obligé d'utiliser un morph, quoi, que tu vas emprunter pour l'occasion, et du coup on retrouve l'unité du perso, mais ça nous oblige à faire une bascule des valeurs entre la réalité virtuelle qui est en fait le monde prosaïque et quotidien des persos et le monde réel qui est une sorte d'extérieur un petit peu hostile qu'on est obligé de visiter en ayant des combinaisons spéciales que sont les diverses morphes, quoi. Donc il y a tel monde, il vaut mieux y aller en baleine géante. Voilà. Tel autre monde, il vaut mieux y aller avec une forme humaine, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est très déroutant. Alors après, je sais pas, il faudrait qu'on entende l'expérience d'autres personnes qui, eux, y ont joué, comment ils voient la chose, mais je sais que c'est encore une évolution qui est difficile, je pense, dans l'esprit de certains joueurs. Puis on a le côté foisonnant qui est comme dans le cyberpunk, où il y a énormément de thématiques qui sont traitées en même temps. Voilà. Et souvent, si on veut éviter le vertige, il faut introduire ça de façon pointilliste, une nouvelle thématique à chaque scénar, quoi. Et je crois que c'est le problème du thème cyberpunk qui, de toute façon, est tellement vaste que on peut aborder différentes problématiques, justement, à chaque scénario, et c'est à chaque fois renouvelé, quoi. Et j'espère un plaisir renouvelé. Ouais, je voulais vous proposer une petite, un petit passage par la musique. Alors, il n'y a pas de musique cyberpunk à proprement parler, même si vous allez voir qu'il y a quand même certains genres musicaux qui sont assez spécialement dédiés. Et donc je pense que c'est intéressant de parler de musique parce que vous allez pouvoir utiliser ça pour maîtriser vos parties, quoi. Le premier genre qui me paraît pas mal adapté, c'est le post-punk. Déjà, parce qu'il y a punk dedans. Alors, le post-punk, en fait, c'est un genre qui a été créé par des transfuges du genre punk, hein. Il y a notamment Public Image qui a été fondé par Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols. Mm-hmm. Et en fait, on va retrouver du côté punk, on va retrouver un petit peu la brutalité et puis la critique sociale. Et par contre, au niveau musical, on va être sur des batteries beaucoup plus martiales. Et puis des guitares un petit peu plus comment un peu mieux jouées, un peu plus mélodiques, encore que. Ou alors soit plus mélodique, soit plus encore plus déstructuré que dans le punk, on va dire plus un télo, quoi. Et puis on va avoir des incursions dans l'électronique. Et donc les deux groupes majeurs pour sonoriser du cyberpunk, ça va être Killing Joke et Suicide. Suicide, pour la petite histoire, c'est ceux qui se lançaient dans la fosse en fait pour se bastonner avec le public. Alors on a la synthwave, donc ça veut dire vague synthétiseur quoi. Donc ça c'est des groupes contemporains qui vont remettre le synthétiseur à l'honneur. Et c'est vraiment, quand on voit les pochettes d'albums, les titres des chansons, c'est vraiment des bandes originales pour films cyberpunk imaginaire, quoi. Mais dans un esprit, pour le coup, vraiment dans un esprit nostalgique, années 80, quoi. Donc je vais citer Trevor Something, 2184 et Ogre. Alors, il y a plusieurs groupes qui s'appellent Ogre. Là, c'est Ogre, Ogre, hein. On a la Carpenter Wave. Alors ça, c'est presque une branche du Synthwave. C'est, on va utiliser des synthétiseurs, mais vraiment jouer de façon des synthétiseurs pourris, quoi, jouer de façon minimaliste. Eh bien, en fait, en s'inspirant des bandes originales que composait lui-même John Carpenter pour Assaut sur le Central 13, New York 97. D'ailleurs, film qu'on pourrait un peu ranger dans le cyberpunk, hein, pour le côté effondrement social, quoi, prison industrielle et compagnie, quoi. Dans les groupes de Carpenter Wave, donc des groupes qui font hommage au synthé de John Carpenter plus récent, on a Zombie. Donc là, pour faire du cyberpunk un peu polar, un peu noir, un peu nostalgique, un peu pourri, ça marche bien. Toujours dans la nostalgie, moi je vous conseillerais du shoegaze parce que c'est pareil, c'est un genre musical des années 80, assez contemporain du post-punk. Et l'idée, c'est que c'est du rock assez mélodique, mais derrière, en fait, la musique, elle est complètement scratchée. Enfin, en production, en fait, c'est complet. Ça prend vraiment un virage noise. Donc, le plus noise de tous, c'est Jesus and Mary Chain. Plus mélodique, plus easy listening, vous allez voir My Bloody Valentine. Évidemment, aussi, vous allez avoir toute la musique industrielle. Donc, les pionniers allemands, c'est Heinz Stürzende Neubauten. Plus récent, et on va dire un peu plus mélodique, un peu plus facile d'écoute, on a Frontline Assembly avec une voix assez rauque, un petit peu militariste, et puis des sons indus, mais quand même très mélodiques. Punish Yourself, qui a un côté beaucoup plus punk, hein, beaucoup très énergique, revendicatif. Et Skinny Puppy, alors moi je vous conseille vraiment l'album Last Rite, qui est une espèce de pavé noir, dégueulasse, organique. Il continue à sortir des trucs, mais là pour le coup c'est plus attendu, plus direct. Truc que j'ai oublié, c'est. Ah putain. Fear Factory, hein, je pense, qui est aussi quand même une référence. Alors évidemment, pour du cyberpunk un peu plus trash, moi je vous conseillerais de la noise, hein, avec des groupes tels que Mono, c'est une espèce de jazz noise complètement déchiré, et puis évidemment, incontournable dans le genre, Merzbow, hein. Donc c'est un japonais très très noise, très très indus, avec beaucoup de machines qui écrasent. Comment, parce qu'on a quand même, je pense, notamment, on voit bien dans Blade Runner, on a pas mal de passages un peu plus smooth, un peu plus ambiance. Donc il va falloir du trip-hop. Le plus sale et le plus chouette que vous pouvez avoir, c'est Portishead. En plus, il y a ce côté jazzy dans Portishead qui colle bien à une ambiance à la Blade Runner. Plus électro, contemporain, Massive Attack, évidemment. Je l'ai déjà utilisé comme BO, c'est clair, c'est vraiment, on est dans l'ambiance. Voilà. On a parlé de post-racial, donc il vous faut aussi de l'électro-ethnique. Donc on a Muslim Gauze pour de l'électro-arabisante. Muslim Gauze, c'est quand même c'est assez dur, hein, comme son. C'est assez martial, assez tribal, assez brut. Hein, il faut quand même se le farcir, hein, je préviens. Owili, qui est pour le coup de l'électro asiatique, hein, vraiment très sympa. Très atmosphérique, à la limite de la folktronica. Alors, on peut avoir un peu de hard rock aussi. Moi, je pense pas mal à Iron Maiden. Un album comme Brave New World, par exemple, me paraît très cyberpunk dans les thématiques. Donc voilà, pour des petits moments de bravoure à utiliser. Et sinon, il y a un concept album du groupe Queensryche qui s'appelle Operation Mindcrime. Et c'est vraiment la BO, si vous voulez faire du cyberpunk polar avec de la critique sociale, de l'aliénation mentale, ça match vraiment bien. Le rock mathématique, on va pouvoir taper dedans dans ses incarnations les plus violentes, telles que Lightning Bolt, donc du rock avec des architectures complètement alambiquées, instrumentales, moitié mélodique, moitié ultra noise. Pneus aussi sont complètement barrés, ça fonctionne bien. J'utilise pas mal aussi de l'opéra crossover, c'est-à-dire que c'est de l'opéra mais mélangé avec du métal, de l'électronique. Donc, méga incontournable, c'est la BO d'Avalon, de pure beauté. Celle d'Akira, je pense, est aussi très intéressante, mais là sur l'aspect opéra, mais sur l'aspect musique, on va dire, musique typiquement japonaise, qui est Ouais. vraiment mélangée avec des sons électroniques, et c'est vraiment très intéressant aussi. Dans Il y a l'électro, ça. la BO de Ghost in the Shell aussi qui est. Oui, bien sûr. Ouais. Dans l'électro-sympho opératique, moi je vous conseillerais North Kalash, enfin, c'est quasiment imprononçable, qui est un groupe français, pas français, mais qui gagne à être connu, et notamment les albums La Haine Primordiale, donc plus martial, dictatorial, et Origine, plus space opéra, avec vraiment des beaux morceaux au niveau des chœurs féminins, il y a des beaux morceaux de bravoure, quoi. Voilà, si vous voulez varier un petit peu de la BO d'Avalon, c'est un peu dans le même esprit, mais au moins vous. Alors, on a des choses encore plus bizarres, hein. Par exemple, la Cadenza, qui est un groupe de death metal technique, mais avec des bons passages sympho-opéra, avec des gros liens vers Avalon et Ghost in the Shell. Et puis, plus surprenant, moi, je conseille aussi du funk, hein, parce qu'il y a le genre biopunk, il y a un synonyme pour le biopunk, c'est le ribofunk, acide ribonucléique, c'est ADN funk, si vous voulez, quoi. Et donc là, je vous conseillerais des albums de Miles Davis dans sa période la plus expérimentale, la plus funk et la plus étrange. Donc il y a On the Corner et un double album. À la fois africain, tribal, drone, plus jazz que jazz. C'est le double album Agartha Pangaea. C'est une espèce de soupe primordiale absolument dingue. Et puis, dans le genre un petit peu soul du futur, remixé noise, drone, on a Sun Ara, ouais, un petit groupe, pour le coup, un petit groupe californien, pour le coup, beaucoup plus confidentiel que Miles Davis. Et si vous voulez retrouver une partie de ça, moi je vais vous conseiller autopromo. J'ai sorti une playlist pour un de mes jeux qui s'appelle Little Simville, qui est un jeu pour le coup bah, biopunk. Hein. Et donc il y a vraiment une playlist énorme avec là actuellement il doit y avoir 90 albums, mais ça va encore gonfler. Donc dans tous les genres que j'ai cités, avec aussi pas mal d'électro, de drone, de noise ethnique, avec pas mal de trucs occultes, parce que bon, c'est un peu du biopunk Lovecraftien, Little Simville. Alors peut-être que, je pense, en fonction du cyberpunk que vous allez jouer, vous n'allez pas pouvoir jouer tous ces comment utiliser toute la BO. Mais honnêtement, je pense, quel que soit le jeu cyberpunk que vous avez, ça vous fera une grosse base de travail, parce qu'il y a vraiment. J'ai vraiment essayé de mettre tous les genres, du plus atmosphérique au plus speedé, du plus easy listening au plus trash. Je Et suis donc voilà, que des. très traditionnaliste. Ouais. Bah, en plus, là, j'ai fait un gros effort pour aller vers le post-racial, puisque Little Simville, c'est un jeu qui est post-racial. Hein. Donc, il y a essentiellement des Asiatiques, mais je suis allé chercher aussi un peu dans la musique aborigène. Et puis dans la musique arabe, hein. Donc on est toujours mixé avec des choses beaucoup plus contemporaines, électriques ou électroniques. C'est vrai que c'est des genres, parfois on n'y pense pas, parce que moi c'est vrai que je pense à cyber, que je pense surtout à des films, donc à des BO de films. C'est vrai que Une culture, en fait, en termes de musique, c'est-à-dire. Ouais, mais tu vois, par exemple, les BO de films qu'on a mentionnés sont super, mais je les trouve pour le coup très chrome, très, Voilà. très belles en fait. Ah oui, non, c'est trop propre. Non, mais notamment parce qu'on est sur des voilà, sur des trucs comme Ghost in the Shell, Avalon, assez contemplatif. Et du coup, je pense qu'il fallait aussi quelque chose pour le côté sale du cyberpunk qu'on peut avoir, quoi. Et ensuite, ce qu'on voulait vous présenter, c'était une série de thèmes, comment de thèmes principaux du cyberpunk et de voir comment on les traitait en jeu de rôle. Et donc le premier thème, c'est la hard science contre le traitement politique, contre l'esthétisme en fait, c'est-à-dire que comment on traite le cyberpunk dans les jeux. Et là, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, Alexandre, de me driver un petit peu parce que là, moi, je vais devoir changer une couche, donc j'ai pas accès au plan. Donc, est-ce que tu peux m'annoncer ce qui est dans le plan, puis tu me demandes de développer quoi. Ça te va? Oui, pas de problème. Donc là, art science versus traitement politique et esthétisme. Le run matriciel à la Shadowrun ou The Sprawl? Ouais, donc le run matriciel dans Shadowrun. Il est très codifié. Il s'inspire. Bon, tu nous avais fait ta petite anecdote avec GURPS Cyberpunk. En fait, c'est inspiré des véritables techniques des hackers. Alors parfois c'est daté, parfois c'est selon les jeux, parfois c'est quand même, ça colle pas mal à ce que font les hackers de façon contemporaine, quoi. Mais du coup, on a cette précision en fait en voulant coller à la réalité tout en l'extrapolant dans un cadre futuriste. Eh bien, on va créer certes des expériences de jeu qui peuvent être très immersives parce que c'est vrai que la complexité dans les jeux hard science, elle est vraiment très bien pour l'immersion. C'est-à-dire que en fait, quand en tant que joueur, tu as l'impression de maîtriser la technique du run matriciel, par exemple, tu as vraiment l'impression d'y être, quoi. C'est-à-dire que tu vas te mettre à parler, ouais, là, il faut que je me fasse un code admin, oh, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a peut-être des grosses intelligences artificielles qui traînent dans le secteur, qui vont griller le serveur, tout ça. Du fait que tu es obligé pour gérer la partie tactique du jeu, tu es obligé d'assimiler en fait bah, tous les codes du genre. Tu as vraiment du coup vraiment l'impression d'y être. Donc c'est très sympa parce que c'est très sympa à la fois pour le jeu tactique parce que quand on fait du jeu tactique, on a besoin de pas mal d'options et c'est très sympa aussi pour le jeu esthétique parce que finalement eh ben ça crée un monde qui est assez cohérent et dans lequel on a vraiment l'impression d'être et de connaître dans les moindres détails. Pour autant, ça pose au moins autant de problèmes que ça en résout, puisque on a parlé en fait du fait que ça crée des sessions de jeu qui est avec de certaines lourdeurs, quoi. Hein. Le run matriciel, la Shadowrun, c'est un jeu dans le jeu. Alors il y a des jeux comme The Sprawl qui reprennent quand même cette précision, mais qui la simplifient, c'est-à-dire que les règles du run matriciel dans The Sprawl de mémoire, ça tient dans allez quelques pas une à deux pages, alors que c'est 30 Voilà, pages hein, dans Shadowrun 4, quoi. c'est résumé à des moves qui sont spécifiques au rec. Voilà. Et puis à Je... l'opposé du ouais, à l'opposé du spectre, moi je sais quand j'ai développé Wonderland, hein, qui est un projet de jeu personnel sur les réalités virtuelles, je suis parti sur l'idée qu'on allait avoir un traitement de la réalité virtuelle qui va être poétique, c'est-à-dire que on cherche pas trop à être précis sur comment ça marche, ni même à avoir un truc qui soit cohérent. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté poétique de la réalité virtuelle, le côté un petit peu mindfuck, quoi, où on part sur des tripes un peu fous, et la technique, on s'en fout un peu. Justement, tu parlais d'Ho Chi Minh Ville, de Little Ho Chi Minh Ville, à ce propos, justement. Ouais, dans Little Ho Chi Minh Ville, la réalité virtuelle, elle fonctionne comment? La règle principale, c'est que c'est juste un espace de plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la réalité qui est un espace où on travaille, et la réalité virtuelle, c'est un espace qui est contigu à la réalité. Et il y a plusieurs façons d'y passer. On peut utiliser un poulpe psychique, par exemple. Tout comme on peut y aller en passant par son palais mental. Grosso modo, notre conscient, c'est un accès à la réalité virtuelle. C'est un accès comment? C'est parce qu'en fait, la plupart des gens, depuis leur palais mental, ils ont foré des galeries ou des passages pour aller vers la réalité virtuelle, quoi. Et je précise dans le bouquin de règles, enfin dans mon brouillon de règles, parce qu'il n'est encore pas diffusé, que si on réfléchit 2 secondes, le fait de dire que la réalité virtuelle et la réalité, c'est l'espace, ça ne veut rien dire en fait, ça n'est pas logique. Et en fait, en cours de jeu, on va être amené à amener des situations paradoxales. Par exemple, le fait que quelqu'un passe une porte en se connectant à la matrice et que son corps se retrouve de l'autre côté, quoi. Donc avec carrément des corps humains qui voyagent à travers la matrice. Mais justement, ça apporte en fait ce côté paradoxal, ça va apporter une dimension poétique et un petit peu mindfuck qui m'intéresse dans le cadre de Little Chimneyville. Et puis ça permet aussi de satisfaire ceux qui, comme moi, aiment bien ce que j'appelle les jeux abstraits, les jeux simples, quoi, où on est plus centré sur la narration que à la fois sur la mécanique et que sur l'assimilation d'un univers complexe. Et donc justement, tu voulais en arriver à cette opposition justement entre le cyberpunk des années 80 et le cyberpunk, si je puis dire, plus moderne et plus moderne. Oui, donc ça c'était un nouveau principe, c'est ça? On a passé c'est encore dans l'art. Ouais. Bah en fait, si on voit l'approche art science, on peut plus présenter du cyberpunk comme il était conçu dans les années 80. C'est-à-dire que on sait très bien que le futur où les gens se câbleront avec une prise jack dans le cerveau, ça n'arrivera pas pour 2 raisons, en fait. La première, elle est sociétale, c'est-à-dire que les gens ont juste pas envie de faire ça. C'est qu'en fait, le cyberpunk des années 80 part du principe qu'il y a une sorte d'abandon de la dignité humaine, quoi, en quelque sorte, quoi. Et on a des outils technologiques qui permettront de s'en passer, quoi. Voilà, bah c'est un viol du corps d'une certaine manière, corps organique par donc, comme on commence par exemple, comme on commence par développer des machines qui réagissent aux ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, c'est quelque chose qu'on sait capter, soit par des électrodes, soit carrément à distance. Eh bien, il y a fort à parier que la réalité virtuelle, la matrice, si un jour elle existe, eh bien, ça passera par les ondes cérébrales et en fait, il y aura pas besoin de se connecter physiquement et voire même, il y aura peut-être même pas besoin d'appareil, quoi. Ouais, tout sera dématérialisé, quoi. Transhumanisme a du plomb dans l'aile. Alors que pourtant, le mouvement transhumaniste est très très fort de nos jours, justement. Ouais, voilà. Du corps organique pour autre chose. Et donc du coup, la question est de savoir si on se dit, ben nous on s'en fout, en fait, nous ce qui nous intéresse c'est l'esthétique cyberpunk des années 80, on s'en fiche de savoir si c'est un futur improbable ou pas. D'ailleurs au passage, le cyberpunk c'est plus notre présent que notre futur, hein, en général. C'est assez hallucinant et on va dire désespérant de se rendre compte à quel point on vit aujourd'hui dans un monde cyberpunk. Finalement, moi je le pense en tout cas. Ah bah la mainmise des multinationales sur le monde, check, c'est fait. Les médias, les super médias, aux mains des grandes fortunes du monde contre les petits médias indépendants, c'est fait. Voilà. L'homme transformé, l'homme connecté, c'est fait. Enfin, tout y est, quoi. La réalité virtuelle, c'est fait. Ouais. Juste que, on va dire, la vision que nous avons, nous, on va dire, aujourd'hui du cyberpunk, n'est pas celle qu'ils avaient imaginée dans les livres, mais au niveau des thématiques, on est dedans quand même. Et puis, il y a une phrase de William Gibson qui est importante et intéressante, c'est « Le futur existe déjà, il est juste inégalement réparti ». C'est aussi ça le côté qu'on peut, quand on fait du hard science, qu'on peut mettre en place, c'est de se dire « Ouais, en fait, on peut pas avoir un cyberpunk où tout se passe de la même façon au même endroit en fait. C'est pas homogène. Enfin c'est qu'il y a des les riches ont accès à une super super techno et les pauvres ont une techno de merde, quoi. de récupération, voilà, avec cet aspect justement des rues crades noires et dégoûtants. Justement, ça nous fait arriver à la dystopie contre la célébration de la modernité, le crade, le kitsch. Ouais, en fait, notre esthétique du cyberpunk, c'est qu'est-ce qu'on choisit en fait ? Est-ce qu'on choisit un cyberpunk qui est kitsch avec Ken et Barbie qui ont des gros flingues et tout, on va dire un peu propre sur lui même, dans les films propres sur eux, lesquels je pourrais citer, bah, même si tu veux, Ghost in the Shell par exemple, est assez propre sur lui mine de rien. Ah, ça lui enlève rien de ses immenses qualités, mais c'est pas le côté le plus crade du cyberpunk, quoi. Ah, il est sale ailleurs, en fait, on va dire. Oui, c'est pas dans l'aspect extérieur. Ouais. Dans Minority Report, je trouvais qu'il y avait ce bel effort esthétique d'alterner des endroits super high-tech, super propres, et des endroits hyper crades où le cyberpunk aussi laisse sa place au biopunk. Tout à fait. Donc c'est toujours la question de est-ce qu'on joue plus cyber ou plus punk ? Et je trouve que c'est bien résolu dans The Sprawl avec le principe du MC qui est chromer absolument tout, c'est-à-dire que tout est métallique et tout en fait quand c'est sorti d'usine tout est rutilant. Mais et ensuite salissez-le, c'est-à-dire que en fait ouais ok mais il y a en fait tout le monde travaille du matos d'occasion. Il y a que vraiment les plus riches corpos, les plus riches mercenaires qui bossent avec du matos sorti d'usine, quoi. Tout le monde a des trucs qui pétaradent, qui fuient, des réalités virtuelles qui glitchent dans tous les sens, des clodos avec des casques de réalité virtuelle et des lecteurs de cartes bancaires, ainsi de suite, quoi. Voilà, oui, c'est toujours cette profonde inégalité, cette opposition entre la technologie de la rue et la technologie des corpos. Ouais. Je t'écoute pour la suite, hein, parce que je suis toujours loin de l'écran. Mais la machine, donc les implants, l'essence, justement dans Shadowrun, et le câble contre le Wi-Fi. Ce qui est intéressant, l'essence dans Shadowrun, c'est que c'est quasiment une jauge de santé mentale, quoi. Tu sais que si plus tu te codes, plus tu te rajoutes des implants, plus ton perso va être gros bill. Mais en même temps, tu vas perdre en essence. Est-ce que tu peux me rappeler... qu'est-ce qui se passe en fait quand ton essence baisse ? Alors, la jauge est notée sur 6 comme à peu près tous les attributs et petit à petit elle baisse. Normalement ça doit refléter ton chute, si je puis dire, vers on va dire la déshumanisation, sachant qu'on se rapproche toujours de zéro, mais normalement on va dire dans les premières éditions, on peut comment dire aller égaler zéro. Si on égale zéro. En plus, le concept, on va dire, magique. Il y a presque un paradoxe solide, en fait. C'est-à-dire que je te mets un élément machine, t'es encore humain. Je t'en mets un deuxième, t'es encore humain. Je t'en mets un troisième, t'es encore humain. À partir de quand, à force d'enlever une part de l'humain pour mettre de la machine à la place, à partir de quand, t'es plus un humain, quoi. Et en fait, l'essence, c'est une jauge qui représente plus le lien entre l'âme et le corps. Et petit à petit, ce lien entre l'âme et le corps se fait de plus en plus faible. Et petit à petit, donc, normalement, on est censé jouer quelqu'un qui se déshumanise. Et après, dans la troisième édition, il propose même carrément de descendre en dessous de zéro. Mais là, c'est la descente en enfer, quoi. Mais est-ce qu'il y a des obligations de roleplay ou des jets de sauvegarde qui sont demandés, justement, quand... Il n'y a pas de technique de jeu qui soit imposée dans le système. Uniquement à partir du moment où on descend en dessous de zéro. On a accès à ce qu'on appelle... La technomancie. Ok, mais bon, t'as quand même entre guillemets, il y a quand même une sanction du système. Voilà. Enfin, ton évolution de jauge, c'est pas de la pure cosmétique, il y a une véritable sanction, conséquence dans le système. Immédiate, c'est la mort. Et dans le cadre de technomancie, concrètement, c'est la folie et la mort, de toute façon. Ok. Alors, redis-moi la suite. Hein. Après, c'est réalité virtuelle et réalité augmentée. Ok. Ouais, donc sur l'homme et la machine, on avait fini. Ouais. Donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ça c'est deux tropes très importants du cyberpunk. Qu'est-ce que j'avais comme note dans le paragraphe ? C'était sur Wonderland surtout. Le vertige logique, ouais. La référence. Le podcast aussi qu'on avait fait ensemble, onirisme, drogue et réalité virtuelle. Oui, effectivement. Donc, moi je développe un jeu qui s'appelle Wonderland sur les réalités virtuelles. Donc je renverrai notamment à la conférence que j'ai faite à Orchidée qui s'appelle Jouer le vertige logique, Donc vous avez un podcast audio, vous avez aussi la vidéo. La vidéo apporte des trucs en plus. Le petit souci, c'est que, comment dire, le son est un peu crade. Oh, c'est ça, c'est cool quand même, hein, je te rassure. Mais je pense à la rigueur, ce qui est bien, c'est de lancer le podcast en même temps, puis couper le son de la vidéo. Je pense que ça serait limite mieux. Parce que le son du podcast est tout à fait correct. Et donc, je vais sortir assez prochainement un article entier en fait qui développe en fait tout ce que j'ai dit dans la conférence. Et donc, c'est tout un tas de techniques pour jouer avec les réalités. L'idée dans Wonderland, c'est que on a une réalité virtuelle, une sorte de matrice, un peu comme on a dans Sword Art Online ou autre film japonais, merde, j'ai oublié. Enfin, grosso modo, Internet, c'est devenu une gigantesque réalité virtuelle, quoi, où tout le monde cohabite. Et il y a évidemment des réalités virtuelles, il y a des webs profonds, des sortes de réalités virtuelles vachement transgressives, où tu peux accéder en passant certaines portes. Il y a une esthétique à laisser au pays des merveilles. Et surtout, on va dire, l'originalité du jeu, c'est que on fait communiquer ces réalités virtuelles avec tout ce qui est rêve, vision, trip onirique, trip shoot de drogue et tout. Donc en fait, tout ce qui est altération des perceptions va être traité dans le jeu et sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'en fait, ça part un peu du principe que, à force de réalité virtuelle, effectivement, un peu comme dans The Veil, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. En tout cas, c'est très difficile de savoir. Et en fait, tu peux même, en fait, imagine un personnage qui se projette un scénario dans sa tête, quoi. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passerait si j'étais riche? Et bien, en fait, on va jouer une scène où il est riche, et finalement, il y a un moment où on va plus savoir si le personnage il est pauvre dans la vraie vie et riche dans la réalité virtuelle ou si c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que même les pensées des personnages ou leur inconscient vont rentrer en ligne de compte, on fusionne complètement les espaces. Donc il y a plusieurs y a, y, on joue je vous invite à aller voir les comptes rendus de partie. À chaque fois on essaie de traiter un paradigme différent. Il y en a un notamment où y a tellement de réalités virtuelles enchâssées qu'il y a en fait les héros de comment l'équipe de joueurs se rend compte à la fin de la partie que en fait on s'est tellement éloigné de la réalité à force d'être dans les réalités virtuelles qu'on sait plus où est la réalité, quoi. C'est-à-dire que on est incapable d'y retourner et genre l'humanité entière en fait a déserté la réalité, quoi. C'est jouer de cette angoisse justement de la réalité qui fait qu'on Ouais. reste virtuel. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a justement des films qui ont cette thématique, je crois. Ouais, bah, un des tropes du cyberpunk aussi d'ailleurs, c'est le runner qui se fait tuer pendant son run matriciel et en fait il survit, il y a plus que son esprit qui survit piégé dans la matrice, quoi. Tout à fait. Bah, ça, c'est dans où justement on a cette chose-là. Sinon, bah, c'est Matrix. Hein. C'est voilà, on a quitté la réalité virtuelle parce qu'elle est confortable. Et que voilà, c'est une thématique, en effet. Tac. Alors ensuite, on passe sur le problème de l'identité. Attends un petit instant. Ouais, donc il y avait la mise en abîme, ça j'en ai parlé. Retour sur. Ça, on en a parlé aussi. Ouais. Donc l'identité, bon, on en a parlé déjà un peu avec l'essence, hein, mais ça va aussi pas mal, je veux dire, avec les réalités virtuelles, aussi avec le concept que. Si on se dit que le cerveau et qu'en fait que la neurobiologie et l'informatique à terme c'est la même chose, eh bien on peut se dire qu'on peut fabriquer des identités, on peut en copier, on peut en extraire, on peut en modifier. Donc notamment il me semble que dans le jeu Cyberpunk tu peux te faire des ou en tout cas dans Little Simonville, dans Cyberpunk il y a des drogues qui sont des drogues d'expérience où en fait par exemple, il y a quelqu'un qui s'est enregistré mentalement en train de tuer des innocents. Et toi, après, tu vas son expérience, tu vas te faire un shoot avec, quoi. Tu vas revivre le truc en boucle. Et les Il y programmes a de aussi. personnalité ou ce qu'on appelle les onirogrammes. Ouais. Il y a le SimSense dans Shadowrun où, par exemple, il y a du porno SimSense. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs porno qui vont faire du sexe et en fait, ils sont câblés. Et du coup, leur expérience avec toutes leurs sensations, toutes leurs pensées à ce moment-là va être enregistrée. Tu vas revivre ça. Moi, j'avais fait une campagne pour Milvaux qui s'appelle Vidéodrome, où en fait, c'est une émission de télé-réalité en SimSense. C'est-à-dire qu'il y a des aventuriers qui sont balancés dans Milvaux, qui est un monde post-apo forestier. Et donc, les gens, ils vont suivre ça comme une sorte de Koh-Lanta, mais en SimSense. C'est-à-dire que s'il y a un personnage qui se casse une jambe en tombant dans une crevasse, ben, tu vas vraiment sentir la douleur, quoi, pour avoir une sorte d'expérience d'immersion totale, quoi. Et si tu as une connexion pas trop sécurisée, eh bien, tu vas si ton héros favori meurt, eh ben le risque c'est que tu prennes un feedback et que ça te grille les neurones, quoi. Voilà, même problématique dans Shadowrun. Et dans les films qu'on retrouve, comme par exemple Strange Days aussi, qui traite très bien cette question-là. Ouais. Et donc dans Little Chimneyville, j'avais fait un scénario où il y a un personnage qui s'appelle Scolopendre, compte rendu viendra, un de ces quatre. Et en fait, il y a un personnage qui se fait des shoots d'identité, quoi. C'est-à-dire qu'il tue des gens et après il se shoot avec l'identité de la personne, avec son passé, tout ça. Dans Headspace, le jeu de rôle Headspace, qui est un jeu de rôle où on joue un commando cyberpunk, hein, de mémoire, et bien tous les personnages sont connectés entre eux, ils partagent un espace mental. Et du coup, ils ont accès aux émotions de tout le monde. Et du coup, avec le risque, effectivement, aussi de troubles d'identité, quoi. On peut voler des identités comme... quelque part, c'est marrant, parce que ça, c'est vraiment un truc qui commence à nous arriver, hein, comme quoi on vit dans un monde cyberpunk, hein, la problématique du vol d'identité, quoi. Sauf que, évidemment, dans un monde cyberpunk, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire que la personne peut carrément te voler ton passé, ta personnalité, enfin, tout ce que t'es, quoi. Les souvenirs, donc voilà, avec la problématique du souvenir qui est un des piliers de notre genre. Ouais. Qu'est-ce qui fait justement une personnalité, quoi ? Est-ce que c'est ses souvenirs ou est-ce que c'est autre chose ? Ouais, voilà. Donc l'identité dans Little Chimneyville, c'est carrément une monnaie, en fait. C'est-à-dire que quand tu es vraiment au bout du rouleau, eh ben, tu peux encore vendre ton identité, quoi. Comme c'est un monde où en fait les gens perdent la mémoire, ben, ton identité, ça a une valeur marchande. Il y a les identités vérolées, c'est-à-dire que tu crois que ta personnalité elle a toujours été comme ça, mais en fait, elle est parasitée par un virus ou n'importe quelle saloperie, quoi. La référence directe à Ghost in the Shell, au Ghost, justement, est-ce qu'il est intact ou est-ce qu'il contient bien les souvenirs de la personne qui est dans le corps, ou est-ce qu'il a été corrompu d'une façon ou d'une autre, soit parce que le fichier est usé, soit parce qu'il y a un virus. Donc, comme j'ai dit, comme le cerveau, c'est un ordinateur, un programme, une mémoire, quoi, eh bien, on peut le hacker à volonté. Et puis, il y a cette notion, dans Little Chimneyville, il y a cette notion de dichotomie entre le self, qui est ta personnalité, ce qui te compose, toi, en tant qu'individu, et la ruche, qui est une espèce de conscience collective qui intervient du fait que tout le monde est connecté d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, il y a un peu, en fait, dans Little Chimneyville, ton self, il peut être miné par un trop grand rapport, trop grande hybridation à la machine ou à la biologie, parce que c'est un monde biopunk aussi, mais aussi par une trop grande connexion à la ruche, quoi. C'est-à-dire, c'est le social qui écrase l'individu. Alors. Je vais te demander de me driver à nouveau, parce que là, je vais donner à manger à petit Victor. Donc après, c'est résistance, décadence de la société et des jeux. Ouais, du pain et des jeux. Ben, c'est-à-dire que on est en cyberpunk, on est sur un monde où les corpos, en fait, grosso modo, gouvernent le monde. Et elles sont vraiment dans une entreprise de domination qui est en jeu. Pour autant, il y a un objectif de maintenir la paix sociale. Bah, tout simplement parce que si on veut dominer, ce que les corpos essaient d'éviter, c'est qu'il y ait une rébellion massive. Que certes, elles pourraient peut-être réprimer, mais qui leur coûterait beaucoup d'argent, tout ça. Donc c'est bien plus. En fait. On va prévenir ça en maintenant les gens dans une sorte de dans un esclavage consenti, quoi. L'opium du peuple, comme on disait. Voilà. Donc le pain, c'est le soleil vert, hein, dans le film Soil and Green, quoi. C'est-à-dire que il y a une nourriture. On veut éviter que les gens crèvent de faim. Tout simplement parce qu'un esclave, il faut le nourrir. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Hein. Et donc, du coup, il y a une nourriture bon marché, le soleil vert, mais en fait, je pense que je peux largement vous spoiler le film. Oui, parce que c'est un film. Tout le monde l'a vu. Voilà, le soleil vert, en fait, il est fait à partir de cadavres, quoi. Et dans Shadowrun, on a le tout est à base de soja, c'est pareil, quasiment, c'est l'aliment un petit peu bon marché de base, quoi, qui fait que les gens ne meurent pas de faim. Et on va pouvoir l'aromatiser et l'agrémenter à loisir, et ça reste. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'il n'y a quasiment plus aucune production biologique, quoi. Ouais. Et puis, j'en ai pas parlé, mais je vais les rajouter. Il y a aussi le meilleur des mondes, il y a le soma, en fait. C'est-à-dire qu'à la place de nourriture, c'est surtout de la drogue qu'on va distribuer aux gens, quoi. Qui va les rassasier, puis en même temps, les maintenir dans une béatitude. Forcé, quoi. Et puis on a des jeux, c'est-à-dire que il faut maintenir les foules dans un état de servitude, il faut qu'elles puissent libérer leurs pulsions les plus morbides, et bien dans des jeux ultra violents. Donc il y a le film Rollerball, quoi. Et dans il y a d'autres films, Running Man. Ouais, Running Man, évidemment, Marche ou Crève, hein, de Stephen King. Il y a Hunger Games, hein, dans Gun aussi. Gun, c'est une version à peine, enfin bien, une version du Rollerball, juste un peu reliftée en cyberpunk, donc plus rapide, plus violente, plus mortelle. Le Soma, ouais, voilà. Oui, on était aux drogues juste après, justement, qui était aussi. Ouais, l'idée, c'est que. C'est marrant parce que c'est plus facile de rendre un PJ accro à la drogue qu'accro au jeu. Et du coup, les jeux, on va faire intervenir les PJ, mais plutôt en tant que participants, quoi. Soit ils vont participer à des jeux du cirque moderne pour gagner du fric, ou soit c'est des participants forcés, quoi. Et c'est une thématique. Je sais que dans ma campagne cyberpunk, on fait une course à la mort. Ouais, voilà, ça me paraît un des incontournables, quoi. Et donc, j'aurais parlé de Vidéodrome, hein, où en fait, c'est le show Vidéodrome qui maintient les gens comme ça dans la servitude, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'engouement complètement dingue pour ce jeu, quoi. Il y a un tas d'otaku qui regardent le jeu. Et du coup, ils en oublient de se rebeller, quoi. Le thème suivant, c'était le run. Alors, je vais te laisser driver parce que j'en ai vraiment nourri mon bébé. Hein. Ça va pas du tout. Vas-y, je t'écoute. On joue autre chose que des mercenaires, justement, dans le contexte cyberpunk. Ouais, c'est ça. Est-ce que le fait de jouer des mercenaires qui bossent pour les corpos, pour des missions borderline que les corpos ne veulent pas faire en public, ça semble être l'espèce de trope incontournable. Bon, déjà parce que c'est quand même présent dans pas mal de piliers du genre, et aussi parce que au niveau jeu de rôle, c'est pratique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Voilà. Ça nous rapproche de Donjons et Dragons et compagnie, quoi. Ben voilà. Pour rassembler un groupe de manière efficace, le jeu à mission. Alors, mais le truc qu'il y a, qu'on n'a pas dans Donjons et Dragons, mais qui est aussi un autre trope du jeu cyberpunk, c'est que dans le jeu cyberpunk, ton commanditaire, il finit toujours par te baiser. Enfin, très souvent, quoi. On a vraiment ce truc-là. Et d'ailleurs, ça provoque une tension qui est intéressante, des fois un peu compliquée pour les MJ. C'est de se dire, mais à force, les PJ, si à chaque mission, ils se font doubler par leur commanditaire, d'une façon ou d'une autre, il y a un moment, ils vont laisser tomber le tablier, quoi. Et donc, du coup, la question, c'est de savoir comment on accompagne ça, quoi. Est-ce qu'on essaie de manipuler les joueuses pour qu'elles restent dans ce système-là? Ou est-ce qu'au contraire, on est prêt à les accompagner pour le moment où elles décideront en fait de jouer vraiment cavalier seul, c'est-à-dire on arrête de bosser pour les corpos, on bosse pour nous, sur nos propres objectifs, quoi. Bon, ça, c'est en fait, c'est une évolution de campagne. Et de toute façon, les joueurs, malgré tout, en tant que groupe, jouent le jeu. Et petit à petit, ils apprennent de leur premier run, ils se sont fait avoir. Bon, ils vont se faire avoir une fois, deux fois, trois fois à la rigueur, parce qu'ils n'ont pas été assez prudents. Mais après, ils apprennent à désamorcer avant. Et justement à pouvoir négocier armes égales avec leurs commanditaires pour éviter de se faire avoir. Ça fait partie, on va dire, des compétences, si je parle, de joueurs qu'ils acquièrent en jouant en tout cas un jeu cyberpunk, Shadowrun en particulier. Le monsieur Johnson qui vous la mets de travers, c'est un, on va dire un poncif récurrent. Ça fait partie tellement, on va dire, des scénarios où justement on accomplit une mission et en fait elle n'est pas ce qu'on croyait qu'elle était. Et nos commanditaires ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont, etc. Ça fait quand même partie intégrante du genre. Je pense que sur ce point, les joueurs jouent le jeu, parce que sinon, oui. Sachant qu'ils ne le jouent pas toujours, quoi. Moi, je sais, en fait, je pense que ça dépend aussi pas mal du niveau de puissance des persos. Et à la fois du niveau de puissance des persos, c'est-à-dire que plus les persos sont puissants, moins ils vont jouer le jeu. Et aussi, du niveau de déliquescence sociale de l'univers, quoi. C'est-à-dire que je pense que dans Cyberpunk, à mon avis, Monsieur Johnson va se prendre beaucoup plus souvent une balle entre les deux yeux. Que dans Shadowrun. Moi, je l'ai vu dans Little Chimneyville où il n'y a aucune. Déjà, dans Little Chimneyville, il n'y a pas de corpo, c'est juste des factions, des mafias, en fait, qui se fritent entre eux. Et il n'y a vraiment aucune justice, il n'y a pas de police, il n'y a rien, il n'y a pas d'État. Et je vois bien que, je crois, dans les parties tests que j'ai fait, il y a une fois, le commanditaire, il s'est fait flinguer. Il y a une fois, ils ont gardé l'artefact pour eux. Enfin, l'objet de la mission, ils l'ont gardé pour eux. Ou ils l'ont détruit. Il y a même une fois, ils ont buté le commanditaire avant même qu'il leur confie la mission, quoi. Le plus étonnant, c'est de voir qu'avec des joueurs, on va dire, adultes, le fait bon, Monsieur Johnson va pouvoir les enfler assez régulièrement. La première fois que j'ai testé, comment dire, de faire un Shadowrun, c'était quand même avec des enfants de 5 ans, 5-6 ans. Le monsieur Johnson, eux, d'entrée, comment dire, ils l'ont enlevé et ils l'ont obligé, comment dire, à leur dire la vérité. Enfants de 5-6 ans, imagine. Où je testais. The Sprawl essaye, d'ailleurs, The Sprawl annonce, jouez à The Sprawl si vous aimez bien comment vous faire doubler de temps en temps, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça pose une vraie question d'équilibre de jeu, en fait. Alors, qu'est-ce que j'avais mis par ailleurs? Parce que justement, je crois que je voulais parler de comment on fait pour dévisser du... Justement, renard solitaire contre groupe... Ouais, c'est ça le truc aussi, c'est que moi, j'ai l'impression que dans Neuromancien, par exemple, on suit un seul personnage, quoi. Ils sont plusieurs quand même, ils sont trois, je crois, quand même. Mais bon, on suit surtout avec, on va dire, des pièces rapportées qui sont là pour... équilibrer le groupe. Ouais, ouais. Et donc, dans le jeu de rôle Cyberpunk, mais un peu comme dans tous les jeux de rôle, on a l'effet team de PJ qui fait qu'on s'éloigne un peu du jeu, mais en même temps, c'est vrai que du coup, la team de mercenaires, ça fonctionne bien, en fait. C'est aussi, je pense, pour ça qu'on a aussi bien autant collé à ce principe de mercenaires, quoi. C'est que du coup, ça donne une explication de pourquoi les PJ sont ensemble, pourquoi on ne suit pas juste l'histoire d'un PJ, quoi. Bah, c'est une explication simple, mais c'est la plus pratique, on va dire, pour notre... notre média qui est le jeu de rôle. Voilà. Alors, justement, l'exemple, c'était l'exemple du Panopticon où là, on changeait. C'est une agence de reporters dans Nanochrome. Et effectivement, là, c'est sympa parce que du coup, on suit des reporters un peu justiciers. Et donc, ça change. On reste dans les tropes du cyberpunk, mais on change complètement d'angle de vue, quoi. Après, je ne sais pas si c'est l'angle sous lequel. Que les joueurs, comment dire, ont envie de jouer, et je sais que c'est un aspect qui est quand même très intéressant et qui est assez, en tout cas, valorisé dans n'importe quel en tout cas, jeu du genre cyberpunk. Alors, pour info, le Grum fera une petite présentation de ce sujet-là, justement, du Panopticon, au colloque des 40 ans du jeu de rôle, je crois. Alors, je m'avance un peu parce que là, je parle et le programme, il n'est pas officiel. Mais bon, s'il le fait, je pense qu'il y aura des enregistrements, donc on pourra écouter ça. J'espère. Parce que ça, à chaque fois, c'est toujours très intéressant et très profitable pour le PJ. Alors, next, Alexandre. Ensuite, le cyberpunk et le roman noir. Ça, on l'a déjà pas mal évoqué. Le cas, du jeu rétro-futur et tech noir. Ouais, rétro-futur, en fait, c'est ça qui est marrant. J'ai fait exprès de ne pas l'aborder dans le listing des jeux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cyberpunk dans Rétro-Futur. D'ailleurs, il y a des clins d'œil. Tu as la substance mort qui est tirée de Kadic. Tu as ce côté très totalitaire. Il me semble que tu as le côté reporter indépendant contre gros médias complètement pourris. Le côté résistance, surtout. Et la résistance sous tous ses aspects. Alors, il y a la résistance, oui, justement. Et donc, il y a quand même énormément de tropes du cyberpunk. C'est juste que c'est skinné, en fait, dans une espèce, effectivement, de rétro-futurisme. Années 50, plutôt. Ouais, années 50, ouais. Et donc, Tech Noir, je n'ai pas grand-chose de plus à dire dessus qu'il remet effectivement le noir un petit peu à l'honneur, quoi. Mais je reviens à Blade Runner, mais je ne l'ai pas dit, mais la nana dont, réplicante, dont est amoureux Descartes, c'est quand même vraiment le prototype de la femme fatale des polars des années Du roman 50, noir, quoi. mais tout à fait, c'est clair. Et pour le coup, moi j'en connais qui jouent à Cyberpunk avec le système d'Hollywood et je trouve que c'est pas déconnant. Il y a vraiment de ça en fait. Après, un univers racial. Donc, Shadowrun et les corporations japonaises contre Little Ho Chi Minh Ville et Ouais. En fait, Panasiatism. c'est vrai que. Je pense que c'est une des, c'est important dans Cyberpunk. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans Neuromancien de Gibson, il va parler notamment dans les stations orbitales. Il va causer avec des espèces de, comment, avec des espèces de brahmanes indiens complètement shootés. Il leur joue du dub pour pouvoir leur obtenir quelque chose de leur part, quoi. Et donc on a ce côté un petit peu. Tu sens que les auteurs de la vague cyberpunk, c'est aussi des gens qui sont post-hippies, quoi, qui sont passés par les périodes trans, Goa et compagnie. Et donc, et puis, c'est aussi, entre guillemets, une évolution de notre monde qui se post-racialise, c'est-à-dire qu'il y a tellement de flux migratoires. Tu vois, aux États-Unis aujourd'hui, en fait, il y a moins de Caucasiens qui naissent que de personnes d'autres ethnies, quoi. Donc, on peut imaginer que dans 20 ou 30 ans, les Caucasiens seront même carrément minoritaires, que ce soit aux États-Unis, voire peut-être même en Europe, quoi. C'est déjà le cas dans le monde. Donc. Ouais, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en scène, vraiment un métissage total, quoi, et en fait aussi qui entraîne un petit peu une disparition de l'identité ethnique. On voit dans le cycle de BD Le Sommeil du Monstre de Enki Bilal, il y a pas mal ça aussi, hein, où t'es comment comment malien croate, des trucs comme ça. Les gens ont un pédigré ethnique complètement dingue. Et ce que j'ai trouvé dans Shadowrun, hormis le fait qu'il y avait effectivement les races magiques, du coup, il y avait ce côté racial de ce côté-là, mais sinon, tu avais l'impression que c'était que des Caucasiens ou des Japonais, quoi. Ou des Amérindiens, si on joue à Seattle. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, il y avait aussi les Amérindiens. L'idée, quand j'ai fait Little Chimville, c'était pousser le post-racialisme très loin, quoi. Puisque notamment quand tu commences à jouer, tu dois choisir ton ethnie. De mémoire, il y a 20 ethnies possibles. Et puis, c'est bien précisé que, grosso modo, il y a tout dans Little Chimville, c'est une toute petite ville hein, qui fait 3 hectares, quoi, mais avec une densité de population complètement dingue. Et dedans, t'as des gens de. Déjà, ça se passe. Le truc bizarre, c'est que ça se passe en Allemagne, mais en fait, dans le bidonville, c'est principalement des pan-asiatiques. Donc, et ça va du Proche-Orient jusqu'à l'Océanie, quoi. Et sachant qu'il y a un livret qui est l'étranger, donc c'est typiquement le mec qui vient encore d'ailleurs, quoi. Et l'idée, c'est de jouer avec ce choc des cultures, quoi. Voilà. Ouais, comme Doron, je pense, est très intéressant aussi sur ce choc culturel et cette culture de la rue qui est justement une forme de patchwork de différentes identités culturelles qui se sont mélangées. On le voit d'ailleurs au niveau des Ah, puis langues. ça fait aussi le mélange de la tradition et de la modernité, quoi. Genre le Voilà. techno-chaman. Aussi, voilà, c'est les mélanges tradition et modernité à travers, on va dire, oui, les courants magiques. Justement en particulier. Est-ce qu'on avait autre chose à dire sur ce sujet-là du post-racialisme? Non, je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué, donc là, on faisait que redévelopper quelques petits aspects. Donc, il nous restait le biopunk, cher. Ouais, le biopunk, donc ça c'est un petit frère du cyberpunk. En fait, c'est l'idée que, et ça suit aussi quand même pas mal d'évolutions technologiques récentes, quoi. Eh bien que la biotech en fait va prendre une part de plus importante, et que du coup ce que habituellement t'obtiens dans le cyberpunk avec une technologie chromée, eh bien tu vas l'obtenir avec de la biotech. Il y a le fameux exemple dans l'existence hein, du pod. qui est une voilà. espèce d'organisme dégueulasse auquel il faut se connecter pour accéder à la réalité virtuelle. Il y a plein de trucs qu'en fait, quand tu dois te câbler, plutôt que d'avoir d'être un street samouraï avec avec du comment avec du bardé de métal, tu vas peut-être avoir des en fait tu vas peut-être avoir une espèce de scolopendre blindé qui va être greffé à ta moelle épinière, tu vois, des trucs comme ça. Et dans Little Chimneyville, donc l'idée c'était vraiment de creuser cet aspect du biopunk à fond, parce que déjà je place le cadre dans mon univers post-apocalyptique forestier de Millevaux, donc on a le côté biologique horreur organique qui est présent à mort, quoi. En plus de ça, on a le côté horreur métaphysique avec des trucs un peu lovecraftiens. Le biopunk est toujours lié à une vision de l'horreur, justement, de la, voilà, l'horreur. Crade, quoi. Il y a la notion, et du coup, il y a plusieurs forces un peu métaphysiques dans l'éthologie d'une ville. La tech, en fait, c'est plus qu'une technologie. C'est devenu sauvage, c'est-à-dire que la technologie, en fait, est hors de contrôle des humains, et donc tu peux te faire agresser par des machines ou par la ville elle-même qui est en tout temps en train de se reconfigurer. Donc, tu as la bio, effectivement, qui est aussi comme la tech, tu peux faire attaquer par de la bio sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles formes de vie qui apparaissent comme ça de façon anarchique, tout simplement parce que ce qui était auparavant contrôlé en laboratoire, finit par devenir totalement hors de contrôle, quoi. Et on retourne un petit peu au chaos primordial. Et il y a une autre force qui est importante aussi, qui est vraiment dans une idée biopunk, c'est la vérole. T'es pas content. La vérole, en fait, c'est l'idée de dire que tout est corrompu d'une façon, tout est infecté d'une façon ou d'une autre, quoi. Et donc la métaphore de la contagion, de la contamination, du parasitisme, elle est étendue à tous les aspects de la vie, c'est-à-dire que les réalités virtuelles sont vérolées, tous tes implants sont vérolés, ta mémoire l'est aussi, ton identité est vérolée, les corps sont bardés d'insectes et compagnie. Il y a aussi les fistules, c'est-à-dire que les gens ont des trous en fait dans le ventre dans lesquels ils peuvent insérer des capsules avec différentes substances. Tu vas planquer des choses dans ton corps aussi comme ça, tu sers de mule. Et tu vois le principe de la mule dans les histoires de narcotrafiquants, c'est quelque chose d'un thème éminemment biopunk, quoi. Ah bah, à savoir que le terme du biopunk, de la biotech, etc., est quand même un thème lui aussi qu'on voit dans le cyberpunk avec son évolution postmoderne. Parce que c'était absent, par exemple, justement, dans Shadowrun et dans Cyberpunk, et c'est présent dans les dernières éditions. Où donc, cette vérole dont tu parles, ce fait d'avoir des implants vérolés, c'est une thématique qui est très, très, en fait, qui fait partie de la méta-intrigue de la cinquième édition de Shadowrun, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Donc, à voir que, pareil, il y a une évolution sur la technologie, on va dire, informatique, mais une évolution aussi sur le terme de la biotechnologie, enfin, sur les évolutions de la biotechnologie et en particulier la nanotechnologie qui fait son apparition petit à petit dans les éditions. Mais qui est présente assez rapidement parce que, si tu te rappelles, dans le film Blade Runner, il y a les animaux synthétiques. Oui. Et donc, on est déjà là-dedans. Il me semble, est-ce que je me trompe si les gens qui fabriquent les réplicants ne les appellent pas des généticiens ? Oui, c'est des biogénéticiens, oui, c'est tout à fait ça. Voilà, donc, en fait, le terme de biopunk, il est présent dès les fondations. Le terme exact, c'est biomécanique, c'est ingénieur en biomécanique. C'est ça qu'ils appellent l'un des personnages, c'est J.F. Sébastien, et puis le grand ponte Tyrell dans Blade Runner, qui aussi est un biomécanicien, mais lui, qui fabrique les esprits, puisque chacun, visiblement, a sa spécialité aussi. Il y en a qui fabriquent les yeux, il y en a d'autres qui vont fabriquer le corps, et d'autres qui fabriquent l'esprit. Parce que en plus, faut quand même dire que dans le cyberpunk, je pense qu'il y a une métaphore des années 80. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a la drogue et le sida. Et donc en fait, déjà à partir du principe, si tu te câbles avec du matériel de seconde main, de seconde zone, le risque tout simplement, c'est que tu ne fasses pas dans des conditions antiseptiques. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un point de départ du cyberpunk, de la vérole. C'est-à-dire que si tu te câbles dans un truc de... si tu te câbles avec un plug de réalité virtuelle un peu dégueulasse, tu vas juste tout simplement choper un staphylocoque de merde. Et la vérole, c'est juste une extrapolation de ce truc. C'est encore une manière d'intégrer aux gens des préoccupations actuelles. C'était en fait actuelles au moment où... Oui, voilà. Elles étaient émergentes dans les années 80 et sont complètement actuelles, quoi. Alors, on a fait le tour de toute thématique du cyberpunk. Alors, j'ai oublié de préciser en début de podcast, du coup, je vais le dire en conclusion. C'est vrai que c'était un podcast game design un peu particulier, puisqu'on a surtout parlé de genre narratif, de code de genre. On a effectivement assez peu parlé de gameplay et très peu parlé de mécanique de jeu. Non, c'était pas l'objet, je pense. Non, voilà, c'était l'idée de... Je pense que quand on fait un jeu de rôle, on a besoin d'avoir une approche assez globale d'un genre narratif, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître tous les tropes du genre et aussi tous les clichés du genre et aussi tous les contre-clichés. Et l'idée, c'est qu'après, on va faire nos courses. C'est-à-dire qu'on va, on peut choisir une hyper-spécialisation comme il y en a dans The Veil ou Underland. Tout comme on peut choisir d'exacerber, de remettre au goût du jour le cyberpunk en le reliant à des problématiques plus contemporaines. Tout comme au contraire, on peut être dans une complète célébration vraiment de ce que le style était à une certaine époque. J'ai l'impression, en lisant The Sprawl, que c'est ce que propose The Sprawl, quoi. C'est-à-dire qu'il ambitionne de faire du cyberpunk tel qu'il était envisagé dans les années 80. Et tout comme on peut choisir d'être ultra transgressif, de mixer cyberpunk avec plein d'autres choses. Je me semble que dans les nouveaux Star Wars de George Lucas, bon, malgré toute la détestation qu'on peut en avoir, il y avait inserts cyberpunk, 2-3 passages qui faisaient un peu cyberpunk. Notamment, je trouvais que la tueuse là, qui largue une espèce de larve venimeuse dans le lit du héros, elle avait un look cyberpunk dans le film Jupiter des sœurs Wachowski. Bon, qui est assez abominable sur certains aspects, ce film. Mais en fait, il y a un moment, il y a un groupe de commandos qui combat le héros. Et vraiment, la façon dont ils sont stylés, t'as vraiment c'est la team de Shadowrun, quoi. Non, oui. Mais la team de Shadowrun, beau gosse, parce qu'ils ont vraiment du matos super délirant, quoi. Et la team de Shadowrun, on la voit aussi dans un film assez récent, c'est dans Expendables 3, tu vois le... combat entre les anciens et les modernes, les anciens mercenaires et les mercenaires qui sont à la pointe de la technologie, ouais. Qui eux ressemblent vraiment à un groupe de Shadowrunner. Moi, ça m'avait frappé quand je l'ai vu. Voilà. Donc, du coup, c'est intéressant de connaître les genres du cyberpunk pour en faire un insert dans d'autres genres, que ce soit de l'espionnage contemporain, que ce soit du space opéra, ou voire même que ce soit de la fantasy, puisque par exemple le jeu de rôle Terre suspendue de Julien Guibert, il reprend énormément de codes du cyberpunk, mais pour le placer dans un univers qu'il appelle lui-même Arcane Punk. Hein. Là où la technologie va être remplacée par de la magie. Mais on a plein de trucs, plein de thèmes du cyberpunk sur la data, sur l'humain immortel et compagnie, quoi. Voilà, en tout cas, le cyberpunk, ça se résume en un mot, c'est ambiance. Et justement, là, tu décris, c'est avant tout une ambiance composite, où on va pouvoir vraiment aller chercher un aspect plutôt qu'un autre pour décrire déjà un décor, décrire une structure sociale, une structure, on va dire, économique, une structure, on va dire, de conflit à travers tous ces aspects. Et on en arrive vraiment à quelque chose d'assez unique, hein, à travers toutes les références qu'on a pu citer. On arrive à quelque chose, on va dire, qui à chaque fois va avoir une déclinaison particulière. On avait parlé d'Inception qui reprenait les codes du genre cyberpunk, mais avec une esthétique complètement différente. Où tout est cyberpunk et en fait, tout à part est cyberpunk, mais mélangé ensemble à certaines doses, on va arriver, comment dire, à quelque chose qui va être... d'une certaine manière, notre manière de jouer, notre jeu. Et c'est pour ça qu'à la limite, l'aspect mécanique de jeu là-dedans n'est pas important, parce qu'on voit qu'il y a des jeux très différents, des niveaux de complexité et des niveaux très différents, on va dire, de gameplay qui peuvent se révéler. Hein. Vraiment le grand écart, L'aspect mécanique, encore que, moi je pense que c'est important que ton système de résolution, tes mécaniques, tout ça, elles tiennent compte, en fait, elles tiennent compte du genre, quoi. Je ne sais pas si on pourrait efficacement, après je demande qu'à être détrompé, m'autoriser du cyberpunk avec, par exemple, Donjons et Dragons Boîte Rouge, quoi. Tout comme on a pu le faire, il y a un jeu qui s'appelle Overdust, qui est du post-apo avec Donjons et Dragons Boîte Rouge. Ça, je veux bien y croire. Et ben, du cyberpunk avec un système aussi générique et aussi entre guillemets neutre que Donjons et Dragons Boîte Rouge, je ne sais pas si on pourrait faire. En même temps, tu vas me dire, bah, en même temps, on Si fait le du jeu se donjon, on passait fait du porte-monstre trésor, il y a peut-être moyen. Pardon? Nanochrome, techniquement, le système, c'est Mais l'ancien. ouais, bah, tu vois, je suis con, mais ouais, ça existe effectivement. Ça existe, mais bon, le système a quand même été largement revu. Ouais, Il y a plein c'est de. quand même de la boîte rouge stéroïde anabolisant, Voilà. hein, le nanochrome. On est bien d'accord. C'est pas la boîte rouge prise au pied de la lettre, mais c'est ces Ouais. concepts, en tout cas, qui ont été revisités avec des idées de gameplay qui sont vraiment très intéressantes au niveau de qui est création participative de l'univers, des PNJ, des PJ, etc. Voilà, ça c'est pas esprit boîte rouge. Ah, c'est pas Esprit Boîte Rouge du tout. Donc voilà, bah, c'est le Grumph, en fait. Je crois que ça le reflète bien son travail. C'est comment on peut, comment dire, faire du moderne avec de l'ancien. On peut justement reprendre des bien rétro et en faire quelque chose de nouveau, novateur. Voilà, donc c'est tout pour le cyberpunk. Donc vous avez retrouvé Normazone auquel a participé Alexandre. Là, Mon Facebook, même, ouais, ça sur le jeu roule. que vous pouvez suivre. Ouais. Et, bah, sinon, bah, j'espère que ce sera bientôt parce que voilà, là, c'est quand même, on va dire, une autre manière, on va dire, justement, d'appréhender le cyberpunk. Ouais. Je trouve ça Wonderland, c'est en développement, donc il y aura des comptes rendus. Il y a déjà des comptes rendus de partie, mais c'est clair que les mécaniques sont pas posées encore. Little Chimneyville, c'est en développement. Vous avez des parties à écouter sur YouTube. J'ai plutôt de bons retours. C'est-à-dire que les gens ont l'air de bien kiffer l'histoire un petit peu justement du coup entre William Gibson et William Gibson. Et puis, bah, pour avoir le texte de jeu, comment vous voyez avec moi, de toute façon, ça sortira dans un premier temps en tant que supplément pour The Sprawl VF. Et puis, dans un second temps, un an plus tard, je sortirai moi-même en tant que jeu entier, c'est-à-dire avec mon propre système proposé par l'Apocalypse et un petit peu permettant de supporter un peu plus le côté Lovecraftien, biopunk que ne le permet The Sprawl. Enfin, The Sprawl, on peut le faire, mais il faut déjà un petit peu bidouiller le système quand même. Même si je ferai des comptes rendus de partie pour expliquer comment adapter The Sprawl à Little Chimneyville. Eh bien voilà, bah écoutez, vous pouvez vous déconnecter de cette réalité virtuelle de carton et de papier et revenir à la vie réelle si elle existe toujours. Au revoir à tous. Au revoir.